Nous sommes le 26 de Verdée 1131. Il vous reste 7 jours, soit une semaine, une seule petite ridicule semaine, pour trouver la prochaine victime du procedimento. Et enfin, l'udamé le pion. Piessa, quand vous avez pris la décision de rejoindre Venise, de rejoindre les métropolites, qu'imaginiez-vous? À quel point étiez-vous prêt à vous investir? Et quelle que soit votre réponse, aujourd'hui vous y êtes en plein dedans. Vous êtes engagé, vous allez devoir démontrer qu'ils ont eu raison de vous faire confiance. Vous avez passé ces deux dernières journées à suivre vos pistes, ci et là. Cependant, vous n'avez pas autant avancé que vous le souhaitez. Vous avez fait face à quelques portes fermées. Mais il vous en faudra plus pour abandonner. Kornilov, tu as remarqué, fièrement, que toutes tes capacités motrices sont fonctionnelles de nouveau. Les séquelles que tu as subies ces 20 dernières journées semblent enfin disparaître. Donc n'oublie pas de prendre ta fiche du jour si jamais c'était pas celle que tu avais sous les yeux, parce que tes compétences sont revenues à zéro. Quoi qu'il en soit, je vais vous poser la question, l'habituelle question. Quel est donc votre prochain programme? Kornilov, t'as une idée? Eh bien, pas spécialement plus que la dernière fois où nous sommes réunis sérieusement. Techniquement, tout ce qui nous reste, c'est toujours ce qui nous reste la dernière fois, c'est-à-dire... Faudrait voir avec Clint, peut-être. Essayer de lui faire, de tirer un peu les vers du nez. Non, on l'a déjà fait, ça ne portera pas ses fruits. Oh, mais je sais pas si on bouscule un petit peu, peut-être. Sinon. Je pense que tu fais fausse route. Et contrairement à vous, je vois peut-être une piste se dégager, notamment autour de la figure de la victime prénommée Teana. Je pense que une enquête à son sujet plus approfondie pourrait peut-être nous aider. C'est le seul élément que nous avons réussi à lier à Photius pour le moment. Et sur quoi, enfin, vers quoi tu veux aller pour Teana? Eh bien, tout simplement savoir qui elle était, son entourage encore vivant, une idée de si jamais elle a fréquenté, les autres victimes. Tout simplement ce que nous avons fait pour le moment, enfin, avec les autres personnes. Et tu es bien d'accord que c'est le seul lien qu'on a réussi à établir entre Photius et les victimes. C'est sûr, c'est vrai. Je vais demander donc à notre conteuse Teana, est-ce qu'elle était rattachée, puisqu'elle était une espèce d'ambassadrice, on est d'accord. Elle était venue en gros pour assister à la fête, au festival l'année passée, c'est ça? Enfin, l'année où elle est morte, elle était venue pour ça à la base. Après, elle est restée plus longtemps, mais est-ce qu'elle, on a su où elle est? Je me rappelle plus parce que on a su où elle était rattachée à quel comment dire? J'arrive pas à l'exprimer. Quelle puissance, à quelle conserne, à quelle Ouais, organisation? à quel concerne spécialement ou... Non, on n'a rien su, hein. Alors, on n'a pas On grand-chose. Moi, avait je me permets. plus d'informations sur Théana que ce qui est écrit sur les plaques. Oui. C'est Voilà. ce que j'allais dire. On n'a pas grand-chose sur les plaques en elles-mêmes. Mais de ce qu'on a su, de ce qu'il nous avait dit. Alors, mais le souci. Ah, mais oui, mais comme j'ai pas pris de notes, évidemment. Merde. Il nous avait dit des trucs quand même autour d'elle, qui n'étaient pas précisés dans les plaques. Non, mais De quand les gens... souvenir de quelle puissance elle venait, quelle nation, ce genre de choses. Kornilov, il prend toujours des notes, de toute façon. C'est un preneur de notes, Kornilov. Il va nous le dire, hein? N'est-ce pas? J'ai pas sa Il aurait dû nationalité. changer de métier. Ouais, parce que s'il faut se pencher plus sur, enfin, sur le cas de Théana, le problème, c'est qu'il faut avoir quelque chose à gratter sur elle. Si là, on n'a rien, ça va être compliqué, quoi. Ah, on a à gratter que c'est le seul lien Oui, mais genre entre les victimes avec Fautus. par où tu veux regarder, c'est ça le truc. C'est Et bah, et bien, comme la dernière fois, je suis sûr qu'on va s'en souvenir, vu qu'on est très malin et perspicace, curieux et ambidextre. Non, ben, je pense que tout simplement, on va réussir à se souvenir à un moment donné. De quelle nation, de quelle conserne elle était issue, de ce, enfin, ce qu'elle était, et tout simplement qu'on va se rendre à l'ambassade de telle nation, de telle conserne, on va aller au commissariat, enfin, commissariat, pardon. On va aller au ministère de la propagande pour même examiner ce qui n'est pas en rapport avec l'enquête sur elle, et puis déterminer si on peut trouver un autre lien avec une autre. Ou Elle avec a Fotus. rencontré au théâtre Théana. C'est exact. Donc Elle était venue à une représentation d'une pièce où Fotus jouait. quelle personne nous a dit qu'elle était venue? C'était bah du coup c'était pas. Alors c'est Auguste hein, qui est parti à la Tour Eiffel. Donc c'est C'est Bonnet? Auguste qui est parti. C'est Bonnet, Roland Bonnet? Bon, c'est Roland Monnet et la secrétaire d'Auguste. Parce qu'après, au pire, si on va vers eux, ils peuvent peut-être nous donner sa nationalité ou son rattachement et Oui, tout ça. on peut retourner leur demander. Mais bien sûr, vu que Kornilov est un homme avisé et de grande culture, je suis sûr qu'il a pris plein soin de noter tout ceci. Non? Malheureusement, je pense que il est un peu perturbé lui aussi et qu'il n'a pas noté. Kornilov n'a pas la nationalité de la personne qui vous intéresse. Ben, on peut toujours effectivement retourner, redemander ces informations-là à ceux qui nous ont Mais... indiqué. Ou alors, est-ce que, étant donné, je sais pas moi, ma perspicacité, je pourrais pas essayer de m'en souvenir à travers. Un jet de quelque chose? Ouais, j'ai quelque chose, conteuse. Un jet commun et Alors. unanime? Le problème, c'est de se souvenir d'une information qu'on n'a jamais eue. C'est un peu Ah compliqué. voilà, donc ça, on l'a jamais demandé alors. C'est bien ce qui vient de Tu peux. Non, on l'a eu, je suis sûr qu'on l'a eu. Ouais. Parce Tu que peux avoir Monsieur Bonnet, là. Oui. Je leur perds son latin. Je Allô, allô? Monsieur Bonnet, Oui. oui. Vas-y, vas-y, vas-y, Continue, on on t'entend. t'entend. Monsieur Bonnet nous donnait les nationalités de tous les gens dès qu'on lui citait un nom. Donc on nous l'a dit normalement. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait ça. Oui, non, c'est vrai que ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait enfin, c'était des déductions à chaque fois. Il les connaissait pas. Il disait, ah, tiens, ça sonne pantinpolien, ça, voilà. Donc. Ah, c'est Ah, vrai mais. ça. Ouais. Ça n'existe pas l'immigration. Alors, Il y a plusieurs choses. La seule nation qui a été citée, c'est le Gloriana. Tous les noms avaient une résonance Gloriana, sauf un. Et il a dit ça ne sonne pas Gloriana. Ça, je me souviens. Donc, la nation n'a pas été citée. Et deuxième cas, c'est ce que je disais. Vous pouvez essayer de déduire, parce que vous connaissez quand même l'univers, de quelle nation vient la sonorité du nom. Mais putain, mais on est... Comme vient de le souligner Kornilov, l'immigration, ça existe. Et ce qui fait qu'un prénom et un nom, finalement, c'est pas tant un bon indice, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui bougent. Et vous êtes bien quand même placé pour le savoir. Après, on peut toujours, effectivement, si vraiment on veut aller sur cette piste-là, on dira ce que tu en penses, Kornilov, mais si vraiment on veut aller sur cette piste-là, on peut toujours prendre le temps d'aller directement aux gens qui nous ont parlé d'elle et savoir s'ils savaient d'où elle venait. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'elle a été, d'ailleurs on n'a pas su, est-ce qu'elle avait été invitée, vu qu'elle venait en tant qu'ambassadrice, est-ce qu'elle avait été invitée à ce festival-là? Parce que si elle avait été invitée, peut-être... Enfin, qui est morte longtemps après le festival. C'est elle, ouais. Et parce que du coup, si elle avait été invitée... On le sait qu'elle était là au festival. Oui, elle était venue, ouais. Oui. C'est l'impression que vous avez. Alors du coup, peut-être que si elle était invitée, peut-être qu'il peut y avoir une trace de cette invitation, ou je ne sais pas si... Ou alors non, tout a été fondu, tout a été recyclé déjà depuis. Dans tous les cas, moi je propose qu'on aille tout simplement au ministère de la Propagande, parce qu'on a quand même son nom, une plaque qui parle d'elle, ou qu'il doit bien y en avoir d'autres, j'imagine. Tout simplement. C'est pas faux, ouais. C'est vrai que vu qu'elle a été assassinée, il y a peut-être au moins quelque chose sur elle, sur son nom un peu, parce que là on parle que de Théana, mais... Voilà, surtout si c'est une ambassadrice, peut-être qu'ils ont fait une autopsie ou que je sais pas quoi, n'importe quoi, bref. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, Kornilov. Kornilov, il s'en fout de Théana. Ah! Je pense que c'est plus intéressant de s'intéresser à des gens qui sont vivants et qui nous cachent officiellement des choses et qu'on sait qu'ils nous cachent des choses. Donc Clint. C'est plus proche. Donc, c'est plus proche du... Donc vous voulez qu'on aille passer à tabac Clint, c'est ça? C'est pas passer à tabac. Mais le faire changer d'avis sur ce qu'il veut nous cacher. Je ça pense que... On peut aussi trouver un moyen de se renseigner sur lui, je pense. Il y a peut-être comment est-il devenu baronnet par exemple. Bon, après je rappelle c'est le concerne de la photographie, hein. Et ben alors, c'est pas non plus Justement, c'est d'autant plus facile, enfin, ce sera d'autant plus simple pour nous de faire pression sur lui que si on s'attaquait au ministère de la guerre. Oui. Et d'accord. Donc honnêtement, je pense qu'il y a peut-être moyen d'essayer un peu de se renseigner sur ce Clint et essayer de lui faire un petit moyen de pression gentillet pour qu'il lâche le morceau, parce qu'il en sait des choses. Écoutez, de toute façon, moi la dernière fois avec lui, j'avais essayé d'incarner une personne sympathique. Donc on va se séparer, c'est ce que je propose. Je vais au ministère de la Propagande, vous occupez de lui, ça vous va? Parce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant de creuser. Ok, si tu veux. D'accord. Comme tu veux, très bien. Eh bien, voilà notre programme. Donc Hugo va aller s'enseigner au ministère, et nous, on va aller chercher Clint. Ok. On va commencer par... Hugo, tu te rends au bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande, bâtiment que tu commences à quand même pas mal connaître. Arrêtez de aller une heure plus loin dans les vidéos, merci. Non mais, Faites attention. Sinon, je remets à modération. Tu te rends donc, comme annoncé, à ce bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande. Je veux savoir, typiquement, à qui tu comptes t'adresser pour ta demande. Alors, est-ce que déjà il y a des espèces, enfin il y a des archives, des genres du coup, des personnes qui s'en occupent, une section. Déjà les fouiller dedans. C'est ça qui vous a donné le dossier actuel que vous avez dit le procedimento. Et pour ça tu parles à. C'est pas vraiment une personne de l'accueil, mais qui est plus ou moins pareil, tu vois, genre une personne qui gère en fait les. Qui évite que n'importe qui rentre n'importe où. Et ils te font descendre aux archives, si tu en as besoin. Mmh. C'est du coup ce que tu vas faire. Tu vas plutôt te diriger vers les. Ok. Les archivistes. Eh bien, du coup, c'est un jeune homme qui te fait descendre. En bas. Il te demande ce que tu cherches. Eh bien, je souhaiterais toutes les plaques qui sont liées de près ou de loin à Théana Fautis. Cette personne a été, si jamais ce n'est pas suffisant, victime d'un assassinat il y a quelques années de ça auparavant. Tu vois qu'il y a... Il hoche la tête, il te dit de patienter. Et il y a un bruit de fond qui s'entend dans la salle. Un énorme bruit de fond, comme quelqu'un qui court un peu partout, qui bouge des boîtes, qui les range, etc. Et sachant que tout est en métal, donc tu as vraiment cette résonance hein, de chaque bruit métallique, de caisse bouger, etc. Et en fait, au bout de quelques minutes, c'est plutôt long en fait, comme moment. Sachant que la personne qui est à côté de toi, qui essaie de patienter, elle est là, puis elle maintient le silence, quoi. Donc, c'est pas vraiment plus deux minutes très agréable, quoi. Eh bien, il y a, tu vois, un petit homme arrivé. Quand je dis petit homme, c'est vraiment pour le coup, dans les au-delà d'un mètre à peu près. Un corps tout recroquevillé, avec un énorme masque, en fait, sur le visage et deux énormes lunettes qui prend toute la superficie du visage. Et cette petite chose en fait arrive et tout simplement fait un signe de négation vers l'homme et le jeune homme se tourne vers toi. Il semblerait que toutes les archives soient déjà retirées. Tu vois qu'il chuchote à l'oreille du petit homme et puis il se relève. Oui, ils ont été retirés du coup, par votre groupe, il sait qui tu es, parce que tu t'es présenté au début de la conversation. Par votre groupe, il y a de ça, une lune de ça. Tout est contenu dans le dossier que vous avez retiré, oui. Rien de plus. Non, malheureusement. Vous savez, les dossiers qui sont conservés sont toujours conservés à l'essentiel, hein, pour un besoin de matériel évident. Très bien. Je vous remercie. Tu vois qu'il te raccompagne à l'extérieur. Voilà. Je prends Non, je vais pas aller jusqu'à l'extérieur non plus du ministère de la Propagande. Je veux dire à l'extérieur des archives, mais... Oui. T'inquiète. Et ce que je pensais faire dans ce cas-là... Et est-ce que... Alors, comment dire? Comment je pourrais rentrer en contact avec un ancien... c'est quoi notre métier Métropolite. Ça dépend. Soit tu connais des gens, à part si tu penses à des personnes en particulier. Je pensais à Béatrice ou Béatrix Taillefer. Bien, tu n'avais pas été mis au courant parce que c'est vrai que tu n'as pas été là quand le groupe a été fait les recherches, mais ils avaient essayé il y a bien longtemps de chercher les enquêteurs du monde d'avant. Et j'ai juste un doute sur Béatrice, elle, quelle était sa raison d'être. On est d'accord que Antonio Pini oui. Fait partie des victimes. Antonio Pini ne fait pas partie des victimes. Ah, bah, il est mort en tout cas. C'est sa famille. C'est... Ah, sa famille, d'accord. Mmh. Encore mieux. Alors, excuse-moi. Parce que je peux te dire déjà que tu sais qu'elle a quitté la ville, mais j'ai juste un doute sur elle, où est-ce qu'elle est partie, puisque ça, on le sait, on te le dit. Il faut juste que je la retrouve, mon information. Le problème, c'est que tu me fais rouvrir des vieux, des vieux scénarios, parce que c'est déjà passé comme info. Non, mais y a pas de souci. Hein. Au moins, comme ça, tu te mets au même niveau. Tes amis auraient dû mieux te tenir au courant. Bravo. Bon, j'ai plus l'info là tout de suite, mais dans tous les cas, tu sais qu'elle a quitté la ville pour un autre empire de la toile. Ouais. Je ne sais plus bon, si elle d'accord. Elle, je te le dirai ultérieurement. Elle doit retirer le balai quelque part ailleurs, d'accord, très bien. Ah. Oui, mais effectivement, du coup, elle a quitté la ville. Il me semble. Bon, et eh bien, j'imagine que je me rendre au théâtre dans ce cas-là. Au théâtre du masque. Le théâtre du masque, ok. C'est exact. Bien. Pendant le trajet. Tu dis-le à l'oral. Hein ? Ça, il me fait des gestes. Non, je disais, il est fermé, il est fermé. C'est pas grave. c'est vrai que le théâtre s'ouvre plus tout le soir. Mais. Il y a toujours des articles. Effectivement, normalement, il y a toujours des gens qui se préparent dedans, donc si tu passes par la petite porte, tu peux y arriver. Ouais, quoi qu'il en soit, pendant que je suis en train de chercher l'information, on va passer du coup à Kornilov et Victor. Vous avez quitté le QG, et vous, du coup, redites-moi un peu quel était votre plan. Nous allons tirer les vers lunés au baronnet Clint. Très bien. Mais c'est-à-dire, là, vous allez directement dans son bureau? Ou bon, est-ce que vous organisez ça autrement Et j'ai la réponse du coup pour Hugo. Béatrix est actuellement retournée à l'origine, c'est-à-dire le Gloriana. Mmh. Exactement, elle a quitté Venise de teinte après avoir déposé la clôture de l'enquête Il Procedimento à l'époque. Parce que c'est la dernière enquêtrice. Faudrait essayer de se renseigner du coup sur le baronnet avant peut-être d'aller le voir. Dis-moi comment tu veux te renseigner. Vous avez des contacts, vous avez des trucs comme ça. Dites-moi des noms et je vous dirai ce qu'il en est. Alors, j'ai toujours peut-être Elsa, qui on sait jamais, vu que c'est une pilier de comptoir, peut-être un jour. Vu que je sais que. Enfin, je ne sais pas, mais je sais, moi. que c'est un bon vivant. Du moins, ça se voit. Donc, c'est peut-être un homme qui aime à boire un petit coup de temps en temps, par déduction, et que on s'est bien rendu compte que il était, enfin, il surjouait son statut, qu'il se donnait un genre, et que en soi, son rôle ne correspondait pas vraiment à ce qu'on attend d'un baronnet. Mmh. On a toujours peut-être Elsa qui peut-être a pu entendre des choses sur lui ou quoi. Je sais pas, Kornilov, est-ce que t'as des gens qui seraient susceptibles dans ton entourage de pouvoir avoir des infos sur lui? Eh bien, je ne crois pas spécialement, mes domaines dans les contacts ne sont pas vraiment dans la photographie ou dans la baronnerie. Ou alors, on peut toucher un maillon plus faible, qui peut parler plus facilement sur lui, et qui peut être plus influençable, c'est la secrétaire. Alors, généralement, les secrétaires, elles savent des choses. Et si tu peux, tu vois, en jouant un petit peu plus costaud sur elle, peut-être qu'elle nous dise des informations sur lui et tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, juste, je sais que je suis pas là. J'en pense que j'ai pas énormément entendu. Mais je me permets juste de te faire penser qu'on l'avait déjà Photius et que il savait même pas qu'elle était morte, qui était mort. Non mais là on va pas parler de Photus, on va parler de Clint. Ah bah ouais. En fait, Kornilov, est-ce que tu m'entends là? Oui. Regarde-moi bien quand je te parle. Ok, regarde-moi bien, regarde cette caméra, au pire tu fais du labial. l'idée, c'est que si vraiment on n'a personne de vraiment, on peut toujours essayer d'aller voir la secrétaire et de mettre un coup de pression à elle, parce que étant sa secrétaire, elle doit peut-être savoir des choses sur ce fameux baronnet Clint. Et si on lui met un petit coup de pression, elle peut peut-être plus facilement nous dire des choses sur lui. Mais oui, après, moi, j'irais bien voir Elsa. Parce que, étant donné que c'est une pilier de bar, et les piliers de bar, ils savent plein de choses, peut-être que on ne sait jamais, elle a peut-être entendu quelque chose sur lui. Surtout que c'est près du ministère de la guerre, c'est pas dans les bas-fonds de Venise. Les gens, ils peuvent causer un peu plus, quoi. Voilà. C'est mon avis. Maintenant, Kornilov, j'espère que tu as entendu ce que j'ai dit. Et puis, sinon, tes contacts, si jamais, on sait jamais, peut-être qu'on sera surpris d'avoir une bonne surprise. Je sais pas, j'ai mon mari qui est fonctionnaire du ministère, mais alors quel ministère, j'en sais rien, je lui avais demandé. Et sinon, t'as qui d'autre? T'as celui qui était un peu dans les bas-fonds là. Comment il s'appelle celui-là? Il y a Oleg, mais Et Oleg? je sais pas vraiment s'il serait au courant de ce genre de choses. Bon, écoute, moi je te le dis, hein. Le Clint là, il est bizarre. Il est dans le louche. Et les galouches, généralement, ça traîne avec les autres galouches. Ton Oleg, il est pas tout rose. Tu vois, il sent la flibustaille, tu vois, l'entourloupe. Peut-être que lui, il sait des choses sur lui. Ouais, c'est possible. Parce que franchement, il est autant baronnet que moi, je suis ministère de la, enfin, ministre de la guerre. Ah, Honnêtement. mais c'était toi, le Miss Lee. Voilà. Ah, tu vois bien, ça se voit. Il n'a pas des manières de baronnet, celui-là. On dirait qu'il a piqué le costume et qu'il s'est mis dedans. Ouais, on peut toujours essayer, c'est juste que. Ça le Au bout d'un coûte. moment, je vais devoir beaucoup trop de service à ce gars-là, mais on peut toujours essayer. Écoute, je te propose, on va voir ton Oleg. S'il a rien, on va voir Elsa. Et en dernier recours, on essaye la secrétaire et sinon on lui tombe sur le dos et puis on y va franco et puis c'est tout quoi. Sinon, pète la gueule, c'est bon. Non. Voilà, honnêtement, Très bien. il a des choses qui nous intéressent. Ça peut être quelque chose d'important. Ouais, On va faire c'est ça. faisable. Bon. Malgré la musique, on va dire que vous avez réfléchi à ça avant de quitter le QG. C'est un peu dommage. Vous descendez du coup dans ces quartiers, donc on s'est un peu habitué, surtout dans les quartiers un peu basse ville. Alors vous n'êtes pas vraiment dans la basse ville, encore une fois, mais dans la basse ville. Notamment, bah, du coup, au niveau non loin du bar du Roller, hein, toujours aussi apprécié de Kornilov et d'Esther. Je ne suis Et pas en vous vous tenue. rendez. Ouais, effectivement, c'est la question que vraiment je pose après. Corniob, est-ce que toi, d'ailleurs, tu y vas en tenue ou est-ce que tu y viens en civil là? Non, j'y vais en civil. Tant que j'ai pas à le dire que je suis métropolite, je ne le dis pas. Je comprends. Vous vous rendez donc à la distillerie du Hurleur. Et là-bas, comme d'habitude, les deux gars bras croisés qui surveillent au rez-de-chaussée du bâtiment. Et Kornilov, quand tu arrives, maintenant ils te posent même plus de questions, les mecs te laissent passer sans rien dire. Victor, hein, tu vois que toi ils te regardent quand même, tu sais, un petit regard de défiance, mais bon, t'en rentres d'accompagner Kornilov, tu vas être quelqu'un de bien. Je suis un petit hochement de tête. C'est vrai que toi, c'est la première fois que, il me semble que c'est la première fois que toi tu te rends ici. Je suis jamais venu. Tu n'as pas eu vent des autres aventures. Non. Et tu n'étais pas là pour un prélude. C'est ça. Donc, toi, tu suis un peu Kornilov, tu l'as vu descendre un peu en basse ville. Tu savais que Leg était visiblement un contact un peu plus louche qu'Elsa. Mais là, t'arrives, c'est une distillerie, t'as directement deux gars un peu mal famés qui s'en rendent à garder. T'as envie de te dire, ok, Kornilov, ses contacts, c'est vraiment c'est le. Sous la loi. Ils sont très bien, mes contacts. Et Kornilov, on t'accompagne même plus. Hein. Je te le fais remarquer, mais je veux dire que les premières fois, c'était on t'accompagne jusqu'au bureau du chef. Là, t'es rentré, tu peux aller n'importe où, personne ne dit rien. Hein. On te regarde, il y a des gens qui te reconnaissent, qui commencent à faire « Ah, salut !» Tous ne se souviennent pas de ton prénom, mais tu vois que les gens commencent à s'habituer à qui tu es, tout ça. Totalement. Par contre, toi, Victor, c'est toujours pareil. Hein. Les gens te toisent un peu, mais des fois, ils passent de l'un à l'autre. Hein. Vraiment, c'est son « Ah, Kornilov !» C'est qui, lui? Moi, je fais que des signes de tête comme ça. C'est bien, tu montres un certain respect. Ouais. Et vous arrivez enfin au bureau de cette personne que vous appréciez tant, qui s'appelle Oleg. Et tout simplement, vous rentrez dedans. Ok. Et bien, quand tu rentres, t'as Oleg qui est tout simplement en train de gérer des trucs comme d'habitude. Là, il est en train de ranger un énorme objet emballé dans du tissu, qui est en train de ranger dans une énorme malle de fer. Le truc fait la taille de son bureau. Hein. Il est vraiment en train de faire un truc un peu louche. Et tu vois que quand tu rentres, il lève un peu la tête avec un visage très sévère. Et puis, quand il te voit, c'est très. Tout de suite, ça rabaisse. Ah, Kornilov ! Il ferme la boîte et va chercher à son habitude, cette fois trois verres, parce que vous êtes trois. Et commence à servir à tout le monde. Alors, que me vaut ta visite cette fois ? Eh bien, je venais aux nouvelles. Après tout, on s'était bien dit qu'on devait se voir plus souvent. Oh, ça fait plaisir. Ah, ça marche très bien. C'est qui ton ami cette fois ? Je te présente Victor. Enchanté. Bonjour. Tu nous le ramènes aussi pour le bar ou... Non, pas celui-là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. J'aime beaucoup ce que tu nous as envoyé. Un peu difficile au début, mais là, il commence à bien prendre l'angle. Un très bon élément. Ben, très content qu'il soit utile. Ah, si tu savais. Bon, eh bien, sinon les affaires, hein, la distillerie marche comme il faut, on n'a pas de mauvaises nouvelles depuis. Toi, comment ça roule ? Oh, moi ça va, même si j'ai quelques difficultés en ce moment. Je dois... Difficultés financières ? Non, pas financières. Tout va bien, parce que tu sais... Vu que tu nous as envoyé un gars, on considère qu'une partie de son salaire te revient. Non, donnez-lui son salaire pour le moment, ça sera très bien. Tu fais don à ton poulain ? Exact. C'est non, pas commun, où, ça, chez nous. Là où j'ai un problème, surtout, c'est vis-à-vis d'une personne qui me fait barrière dans mes affaires habituelles. Et j'aimerais bien savoir deux, trois choses sur lui. Malheureusement, difficile de trouver des informations. Dis-moi. Si ça t'intéresse, c'est un baronnet qui se présente sous le nom de Clint. Il est à la photographie, je crois. T'as son prénom ? Je ne crois pas avoir son prénom, mais il est au concerne de la photographie. Ce serait pas Randolph ? Je ne sais pas si vous l'avez eu appris, son prénom. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Tant que son prénom n'a pas été donné. Tu sais que s'appeler par son nom de famille, c'est bien les trucs de cette foutue bourgeoisie. Alors, un nom de famille. Ouais, c'est un gars assez costaud, un peu bourru, qui aime bien se la raconter avec des fringues de Noblio, tu vois. Bien. Tu sais quoi ? Je t'envoie. Ben, moi, ça me dit rien comme nom, mais il y a quelqu'un qui connaît tous les noms de n'importe qui rentre dans notre bar. Hein. Tu vois de qui je parle ? Sofiane, tu vas le voir, je suis sûr qu'il va te. Et puis, il retient mieux ça que moi. Je vois. Ça peut m'être utile, hein. Merci. Bah. Ça fait. C'est bien. J'aime bien quand tu viens me voir. En plus, tu demandes plus que. On te demande, ça sera au hasard. Ce sera intéressant le jour où j'aurai vraiment une aide urgente à demander. Je dis un peu plaisantant, tu vois, genre c'est. Et je serai là. Voilà, sachant que tu m'as envoyé. Je savais que j'avais bien fait te faire confiance dès le premier jour. Tu vois, j'ai vu. Mon regard s'est posé sur toi. Je savais que t'étais un homme bien. Oui, je m'en doute. C'est passé dans les premiers instants. Exactement. Je suis bien contente d'être venu te voir, mais je pense que je ferais mieux de creuser cette piste le plus rapidement possible. Tu m'excuseras. Je comprends. Mais moi aussi, j'ai affaire. Eh bien, parfait alors. Au plaisir de te recroiser au prochain service. Je vais te demander. Qui te salue et vide son verre pour pouvoir aller le ranger et range les vôtres si vous finissez aussi vos verres. Ouais, je vais le finir. Moi aussi. Comme chez nous au Lansk. Il ramène du coup le tout et te fait un salut de la main et vous pouvez partir. Du coup, je suppose, vous avez le droit de me contredire, mais dans la logique des choses, que vous allez enchaîner directement en allant voir Sofiane. Ouais, on va au bar du hurleur. Et... Ok, comme... Oui, je t'écoute. Tu sais ça ? Je sais pas, il y a Antoine qui m'a fait « Eh !» mais il dit rien. Ah non, c'est juste parce que j'ai réactivé ma caméra. Ah non, d'accord. D'accord. Allons voir Sofiane alors. Mais d'ailleurs. Ok, on enchaîne avec Sofiane. C'est la taverne, on n'a pas le droit. Vérifier la durée de mes scènes. Parfait. Tout à fait. Et vous avez la taverne du hurleur. Qui est du coup pas très loin de la distillerie, c'est pour ça que j'enchaîne les deux, parce que du coup là il n'y a pas vraiment le temps de faire une ellipse, ce serait pas très... Vous allez voir du coup Taverne Hurleur, et vous rentrez dedans, il y a pas mal de monde d'ailleurs à ce moment-là, c'est quand même assez étonnant, ce qui est plutôt tôt dans la journée, mais il y a pas mal de monde, il est très... Le milieu est assez bruyant, et notamment pas mal de personnes que vous voyez... qui semble un peu appartenir au milieu, vu comment ils se parlent de manière familière, y compris avec Sofiane, etc. Et effectivement, Victor, ça, c'est la première fois que tu rentres dans le bar du Roller. Alors, première fois, véritablement, peut-être pas, parce que, après tout, toutes les préludes ne sont pas jouées. Ne gaspillons pas des possibles cartouches. Mais... Première fois avec Kornilov. enfin première fois en tout cas dans la vraie campagne. Ouais, première fois du mois, voilà. Ne prenons pas de risques inutiles. Disons la première fois du mois. Non, mais sait-on jamais, parce que dans une prio, tout. D'accord. Du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas un milieu auquel tu es habitué à traîner. Et là, pour le coup, il y a pas mal de monde, et y compris Kornilov, tu le sais, que visiblement, l'arrière-salle est en ce moment très utilisée. Parce que malgré le fait que ce soit méga bien isolé, quand il y a vraiment beaucoup de monde, ça a tendance à déborder un peu. Et il y a des petits bruits de résonance quand même. Hein. T'es pas au point de te dire merde, on aura tiré à quelques mètres de moi, mais t'es quand même en mode putain, ils font du bruit quand même ces gens avec, avec leur truc métallique là. Quoi qu'il en soit, tu rentres et Sofiane, comme d'habitude, il est en train de servir des gens, nettoyer son bar, c'est très important pour lui. Et quand il te voit, tu vois qu'il lève la tête. Ah! Ça fait longtemps, tu nous amènes à nouveau? Oui, je te présente Victor. Il prendra la même chose que moi. Passe-moi un peu d'absinthe. Ah. Il vient pas bosser? Tu vois qu'il, non, qu'il te sert en verre. Celui-ci ne vient pas bosser. Ah là là. C'est dommage, on aime bien avoir des gars en plus en ce moment. On a beaucoup d'affaires à gérer. Bon. À part l'absinthe, besoin de quelque chose? Les nouvelles, tout ça? J'ai besoin d'informations. Tu passes souvent à demander des informations. Hein. Allez, dis-moi. Je fais marcher les contacts qui marchent, après tout. Mais c'est sur un type que s'il est passé dans le coin, ça m'aiderait énormément. Si tu serais pas quelque chose sur un baronnet Clint, un grand gars... Ah. Attends. Ça te dit déjà quelque chose? Mais bien sûr. Tu sais, j'ai une particularité, outre le fait que j'adore râler sur les gens. Je retiens tous les gens qui assoient leur cul sur ces sièges, tu vois. Dire là que ton ami Victor, il revient dans 15 ans, je le reconnais. Moi, je sais qui s'assoit à ma table. Et je le connais, ouais, oui, ce gars-là. Totalement barge. Je ne savais pas qu'il avait fini baronnet, mais son nom de famille, je le connais. Enfin, on en a déjà discuté, plus ou moins. Je savais, mais je pensais que c'était des conneries qui se racontaient, tu vois. Si tu préfères, ce mec-là a débarqué il y a quoi? 6 ans de ça? Totalement barge. À dire des conneries tout le temps, tu vois. Il m'insupportait. Insupportable, ce gars. Faire des blagues. Pff. Tu me connais, je suis pas un blagueur. Ouais. Bref. Il a traîné ici, il a traîné en fait dans tous les bars de n'importe quel guide. C'est simple, tu vas voir n'importe quel guide, tout le monde se souvient de lui, parce qu'il a une dette de je sais pas combien de liges à chacun des guides. Ce mec-là, il a bu pendant des années, il a cru que c'était gratuit. Sauf que voilà, on s'est énervé, on lui a fait comprendre qu'il pouvait pas boire chez nous, il est parti ailleurs. On lui a fait comprendre qu'il pouvait pas boire ailleurs. Et ben il a dû faire quoi? Il a fugué. Il est parti en basse ville, à ce qu'on racontait, prostitution, etc. Voilà quoi, il a survécu. Et on racontait ces dernières années qu'apparemment il aurait réussi à avoir un petit pistolage en haute ville, mais ça a l'air de se confirmer. C'est un beau pistonnage, hein. Baronnet, vous dites. Mais c'est pas du sang, normalement, c'est pas un truc de famille, ça, d'entre soi. Normalement. Je crois bien, oui. Tout ce que je sais, c'est que, mis à part ce titre, maintenant, il est aussi assez haut dans la hiérarchie du concern des photographes. La photographie? Mais c'est pour ça. Personne n'en a rien à foutre de... Non, ok. Je vois. Il a eu un petit pistonnage dans un truc ridicule. Non. Non, mais voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux. Est-ce que t'as besoin de savoir plus d'infos sur ce con-là? Tu sais d'où il sort. C'est déjà intéressant ce que tu m'as dit, mais. Si t'as d'autres choses à raconter, vas-y. Il vient d'où ce gars-là? S'il a dû causer, j'imagine. S'il devait picoler comme un trou, il a dû raconter des belles. Il vient. Je sais que cet écornifleur a beaucoup voyagé. Il avait passé du temps en bagne, apparemment, dans le Lansk. Avant ça, c'est peut-être un pantapolien ou un antipolien, j'en sais rien. C'est de la merde. C'est vrai que je suis pas très empire, ça m'intéresse pas trop leurs conneries. Hein. Et tu disais que il avait toujours des ardoises chez tout le monde, mais est-ce qu'il a réglé tout ça? Est-ce que aujourd'hui c'est effacé ou Il vient là, il a des problèmes, il n'en ressortira jamais. Mm-hmm. J'ose espérer pour lui qu'il compte pas descendre dans la base ville, un de ces quatre. Il y a des mecs très dangereux qu'ils recherchent. Nous, on est tranquille, on a une activité déjà bien sympathique. On ne s'occupe pas de faire du surplus. Par contre, il y a des guides qui sont avec des activités plus sympathiques, plus tranquilles, et qui derrière, savent ce que c'est. Ils ont besoin de compenser. Moi, je regarde Kornilov et je lui fais un espèce de petit sourire qui veut dire qu'on le tient avec, on tient quelque chose d'intéressant contre lui là. En effet, on a l'air, on le tient. Et bien, c'est bien intéressant ce que tu nous dis là. Je te remercie. Bah écoute, pour une fois que j'ai des capacités qui servent, t'es sûr que t'as besoin de rien d'autre? Je ne pense pas. Rolando est dans le coin? Rolando, il est reparti un peu se reposer. Il a fait sa première mission, il est un peu crevé. Si tu veux aller le voir, il est actuellement chez la personne qui le loge. J'ai pas retenu son nom, ça m'intéresse pas. Oh, je suppose que toi tu vois de quoi. Oui, je sais où il crèche. À tout hasard, j'essaye, on sait jamais, vu que vous avez une mémoire à toute épreuve, vous n'auriez pas vu passer une Théana par hasard. Non, on ne sait jamais. Je pose la question. C'est un prénom que je connais. Maintenant, j'en ai croisé plusieurs. Hein, pour être, vous avez son nom de famille, peut-être. Ah, si je me souviens parfaitement de son nom de famille, laissez-moi chercher dans ma mémoire. Il s'agit... Un palais mental très particulier, alors voilà. D'une Théana Fotinelli. Ah. Ah, c'est marrant, ça. Ah. Non, ça me... C'est pas un prénom qui me parle, ça. En tout cas, j'aime beaucoup... J'ai plus d'écran. Ok, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il y a de se passer sur mon PC. Vous... Allô? Ah oui, tu es revenu. Tu peux reparler. Oula. Alors attends, mon audio est sur... a changé de... Qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi, deux secondes. Oui, tu lags sur GitHub. Ah, okay, c'est chez moi. Il y a un problème sur GitHub? Non, mais ça avait, il y avait un peu de lag. Je pense que c'est... D'accord. Ouais, non, je sais pas ce qui vient de se passer. Il y a eu un matrixage, mon PC a dit j'en ai marre, j'arrête de gérer la musique. Moi j'ai dit bah non, et puis voilà, on s'est battu un peu. Du coup, qu'est-ce que je disais? Tu aimes bien ce... Ah oui, j'aime bien les gens comme ça, tu sais, qui ont une double culture... Un petit prénom comme ça, qui a une petite sonorité, un nom de famille qu'on a une autre. Moi, je trouve ça joli. Et donc, pour vous, comme ça, vous la feriez venir d'où, cette Théana Fotinelli? Oh, j'en sais rien. Je vous l'ai dit, moi, je m'en fous des empires, mais ça se voit, vous savez, le nom de famille est vénitien, ça s'entend. Mais pas le prénom, donc je sais pas si c'est sa famille qui a déménagé, si c'est elle qui... J'en sais rien. Okay. Après, vous savez, moi j'aime pas trop ce genre d'empire, c'est juste que à force de voir des têtes, je commence à voir quel genre de sonorité je colle à quel genre de visage, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. En tout cas, En tout cas, vous êtes une vraie source d'information. C'est assez impressionnant. Ça, c'est rare qu'on me le dise, ça. Ben, merci. Je pense qu'on va aller... Oui. On va y aller. Vous me payez, quand même. C'est fini, la période de grâce, Cornillon. Ah bon ? Depuis combien de temps ? Depuis cette lune-ci, il me semble. Non, mince. C'était combien ? Deux absinthes. Si seulement je retrouvais l'information dans ma mémoire. Oh putain, non, un prix d'amis. Déjà, je compte faire un prix d'amis parce que vous savez que là, on est amis, quoi. Sauf que... J'ai une carte de fidélité. Tamponné, tu sais. Ou tamponné, moi, hein, par contre, ma carte. Oui, c'est ça. Dans deux visites, j'ai un voyage gratuit. Pour le Lansk. Oui, bah c'est une hurle, le verre d'absinthe, quoi. Ah bah tiens. Avec, la hurle, c'est la monnaie la plus basse parmi les monnaies qui circulent. Eh bien, voilà de quoi payer pour mon verre. Il faudrait que j'amène ça plus souvent ici. Moi, j'ai... Oui, c'est vrai que tu viens de passer de une hurle le verre à 5 liges le verre. Ouais. C'est pas sur le même ratio, ouais. Non, mais ok, vous le payez, il vous salue, il te dit de revenir. Et d'ailleurs, dans la conversation, parce que là, du coup, j'ai pas eu le temps de le caser, mais tu dis que si tu veux revoir Rolando, bah là, son repos, en fait, prend fin dès le lendemain. Donc, en fait, dès le 27, il est de nouveau dans le bar. Ouais, mais je vais pas me déplacer juste pour lui, quand même. C'est une information, t'en fais ce que tu veux. Bien, tu lui dis bien. Ça, il fait, bah, écoute, je m'en fous. Alors, en tout cas, pendant qu'on s'en va... Pendant qu'on s'en va, je tiens quand même à dire à Cornillo, je suis là. Alors, tu vois, tes contacts, ils sont pas si nuls que ça, quand même. Ils en savent des choses sur ce qui se passe à Venise. Oui, ils en savent. Le problème, c'est que maintenant, je vais leur devoir quelques services. Ah, ben ça, faut... Et tu comprendras, j'imagine, que je vais pas spécialement... envie de passer trop de temps dans ce domaine-là de la ville. C'est sûr, mais bon, avec ce qui nous pèse au-dessus de la tête, je pense que ça vaut peut-être le coup de s'attarder là-dessus. Oui. Bon, ça a été utile cette fois, en tout cas. C'est sûr. On va passer à Hugo, qui, du coup, s'est rendu au théâtre. Durant votre petite cheminade, votre petit parcours en basse ville. Ok. Hugo, eh bien, tu arrives devant le grand théâtre. Il est effectivement publiquement fermé, parce que voilà, vous êtes en début de matinée et que les représentations sont surtout le soir. Hein. Mais tu sais qu'effectivement, tu es quand même habitué du milieu. Il y a toujours la porte des artistes qui reste ouverte au besoin. Oui, il y a toujours une audition, une répétition. Exactement. Voilà. Sauf que tu ne peux pas passer par la porte de dos. Donc je suppose que tu vas aller plutôt chercher dans cette porte arrière. Bien sûr. Et tu t'y rends. Et la porte arrière n'est pas directement gardée. Par contre... elle est fermée, logiquement, pour éviter que n'importe qui puisse y rentrer. Est-ce que tu toques ? Est-ce que tu... Oui, je frappe. Ok, tu frappes. Et au bout de quelques minutes, t'as entendu une voix lointaine de dire « Oui, oui, j'arrive !» Et puis après, le temps d'un trajet, t'entends un énorme barreau de fer retiré et la porte en fer qui est devant toi s'ouvrir. Et tu tombes sur une personne que tu as... déjà croisé, puisque c'est Nila en fait qui est en train de t'ouvrir. La secrétaire. Oh, exactement. Oh, je ne pensais pas vous voir ici. C'est notamment réservé. Normalement, je pensais quelqu'un d'autre. Excusez-moi, je suis... Oui. Que voulez-vous ? Je vous prie de m'excuser d'encore vous déranger. J'ai de la même affaire. Je vous avais interrogé dans la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, notamment sur la personne de Teana Foti. Excusez-moi. Un chat dans la gorge. Il fait plutôt frais, vous ne trouvez pas ces temps-ci à Venise. Oui, laissez-moi chercher dans mon palais mémoriel. Teana. Fotinelli. Exact. Et vous m'aviez dit qu'elle avait assisté à une représentation dans laquelle le regretté Fotius jouait. Et je souhaiterais savoir si vous en saviez plus sur cette personne. Vous m'aviez dit, je crois, qu'elle faisait partie d'une délégation ou d'une ambassade, si je me ne trompe pas. Madame, oui, Fotini, c'était une invitée d'honneur. Elle ne fait pas partie non plus d'une d'un ministère, d'une ambassade. Elle représentait juste certains intérêts, notamment vis-à-vis d'une loge, il me semble. Laquelle, je vous prie. C'est important. Rentrez. Madame Fotinellis avait eu le droit à une loge jeune. Madame Fotinellis avait une place pour les invités d'honneur dedans, mais sinon elle n'avait pas eu de loge par contre interne particulière. Elle a juste été spectatrice. Je ne parle pas bien sûr de coulisses, par une loge. Mais dans ce cas, c'était ma première réponse, parce que j'ai fait une double réponse. Elle a effectivement fait partie d'une loge particulière, celle des invités d'honneur, en fait, hein, qui se trouve plus mis en avant, en hauteur, etc. Excusez-moi. Oui, non, je crois que j'ai donné un triple sens moi-même à la loge. Résumé, je souhaiterais savoir de quelle loge faisait-elle partie, et si elle a eu accès à une loge, à un balcon, avec... Ça, effectivement, je suis en train de chercher dans mes informations, de manière très troublée. Allez-y, prenez le temps d'explorer votre palais. Merci. Non, en fait, c'est surtout que mon bouquin est en train de se détacher, donc mon cœur est en train de vriller pendant que je tourne les pages. Oui, la loge, du coup, c'était la réponse. Elle a eu une loge spéciale, comme on disait, voilà, pour les invités, une place attitrée. Eh bien, elle faisait partie de la loge architecture d'Éol. De la ville d'Éol, donc. Oui, tout à fait. Et elle venait à titre personnel ou bien non, aucune délégation, pas d'ambassade? Comment se fait-il qu'une cette représentation lui était-elle dédiée? Non, c'est comme vous saviez, c'était une représentation honorifique, comme chacune des représentations dans le théâtre, dans le théâtre du masque. Elle a été surtout invitée dans la ville de Venise à la base pour la. Il me semble, oui, c'était pour la fête de la photographie, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Et bref, la représentation était pour ça. Et nous savons que c'est une période dans laquelle nous recevons pas mal d'invités d'honneur et elle en faisait partie. Qui était présent aussi, peut-être feriez-vous me dire, dans cette loge avec elle? Bien sûr, bien sûr. Que je me souvienne, ça fait quand même quelques années, et elle te donne une liste de noms que je te ferai parvenir d'ici quelques minutes, le temps que je te donne des noms cohérents. Bien. Mmh. Je crois que cela sera tout. Ah si, est-ce que Monsieur Bonnet est... Monsieur Bonnet n'est pas encore là, il est actuellement chez lui. Il arrive le soir, un peu plus tard, généralement. Très bien. Eh bien, ce sera tout. Vous pouvez disposer. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Tu vois qu'elle te réouvre la porte, et puis une fois que t'es parti, elle t'en rentend la barre de métal fermée derrière toi, etc. Avec les informations que tu as eues, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu attends de rejoindre tes amis, ou est-ce que tu as autre chose en tête ? Eh bien... Je pense plutôt... Alors, est-ce qu'il y a des ambassades dans l'univers des crimes, dans la ville de Venise ? Est-ce que chaque grande puissance, chaque grande nation... Il n'y a pas vraiment d'ambassade, parce que... la gestion par exemple des étrangers n'existe pas, enfin la question se pose pas vraiment. Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de relations. Il y a une diplomatie, mais elle se passe directement en interne dans la haute ville, du coup il n'y a pas vraiment d'ambassade à proprement parler, en tout cas voilà, qui est vers tout le monde, etc. C'est des cercles très fermés qui s'échangent. Très bien, merci. Oui, je vais dire ce que je vais faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de consulat, n'importe, je sais pas, n'importe. De représentant diplomatique attitré. Si, par contre, c'est ce que je dis. Dans les hautes sphères de la ville, il y a effectivement des représentants, etc. Surtout à Venise, qui est la ville centrale à tous les empires. Mais c'est juste, voilà, il n'y a pas de, y a pas de bâtiment en fait public aux gens. Mais c'est ça encore une fois, c'est ce que je disais. Du coup, c'est des personnes, des groupes de personnes qui représentent des institutions, mais c'est dans les hautes sphères de la ville. Donc du coup, c'est dans des cercles très fermés, etc. Mais effectivement, du coup, si tu veux pousser, c'est vers là que tu dois te diriger. Ok, d'accord. Bon, bah, je rentre au QG Indigo, hein, tant pis. Ok, tu peux aller retrouver tes amis. On va dire que bon, dans tous les cas, vous avez passé au QG pour récupérer Hugo, comme ça c'est quand même plus sympa pour lui. Il vous mettra du coup en commun, comme vous avez écouté, voilà, je considère que vous avez mis en commun. Sinon, vous avez le chat hein, juste à côté, si vous voulez vous faire parvenir des informations plus détaillées. Et du coup, la question, c'est du coup exactement qu'est-ce que vous voulez faire maintenant que vous êtes revenu en haute ville, enfin plus ou moins en haute ville, hein, sur le contraire d'envie de faire des détours, mais ça ne semblait pas être le cas. Disons que perso, je pense qu'on n'a pas le temps de tergiverser. Il reste très peu de jours, donc il faut aller à l'essentiel. Et là, on a clairement un moyen de faire pression sur Clint pour qu'il nous dise enfin ce qu'il dit ne pas savoir, mais qu'il sait très bien qu'il sait. Mmh. Et donc voilà. Et ben donc on peut aller le voir et tout simplement le mettre en face de la supercherie et de ses problèmes tout en appuyant sur le fait que des gens le recherchent activement et seraient très heureux de le revoir si jamais il venait à descendre de quelques étages. Ok. Donc du coup, vous vous rendez directement à son bureau, sauf indication contraire. Kornilov ? Ouais, je pense qu'on peut le réinsérer dans son bureau, on s'en fiche. Très bien. Vous rendez du coup au conserme de la photographie, toujours du coup positionné au même endroit, toujours cette grande tour très fine, dans laquelle vous rentrez, et cette fois, sans même demander, du coup, vous montez les marches vous-même. Ça. Jusqu'au bureau du baronnet Clint. Vous toquez. Et il est mort. Il est mort. Vous ouvrez, voilà, vous le voyez mort. Je mets la musique du meurtre. Attendez. Avec des et, bougies et tout. Tout simplement, au mieux que ça vous entendez sa voix répondre en fait de l'étage du dessus. J'arrive. Et qui, après quelques secondes, se présente à vous un peu essoufflé. Ah, c'est vous. Vous venez. Oui, on vient vous voir. Ok. C'est ça. Tu vois qu'il ouvre le bureau, il vous fait rentrer. Ah ouais. Il ferme derrière vous. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin d'aide niveau organisation encore par rapport à cette fête? Bon, je pense que mes camarades et moi-même sommes unanimes pour dire que nous avons besoin de réponses. Une réponse auxquelles vous n'avez pas daigné répondre la dernière fois que nous avons posé les questions. J'ai répondu ce que j'avais à répondre. Je comprends pas trop ce que vous cherchez en insistant ainsi. Écoutez, je suis sûr que nous allons trouver un moyen de vous faire répondre ce que vous devriez nous répondre. Et pour cela, nous sommes allés... parce que c'est notre métier, quelque part, hein, chercher les informations là où elles doivent être cherchées. Et nous avons appris de belles choses sur vous. Monsieur Clint. Monsieur le bagnard Clint. Je vois pas de quoi vous parlez. Ouais. Certaines personnes... Oui. Quelques... piliers de bar dans certaines guinguettes se sont avérés plus bavards que vous. Apparemment, vous devez de belles ardoises à toute la basse ville. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Écoutez, si c'est ça, nous pourrions tout à fait, en tant que métropolite... eh bien, vous faire mener à un interrogatoire dans les règles et faire une petite confrontation avec certaines personnes et voir si, évidemment, ce n'est pas vous. Auquel cas, si ces personnes disent que ce n'est pas vous, eh bien vous nous enverrez désolé. La mise à la gêne ne me fait absolument pas peur. Je ne comprends pas ce que vous cherchez à démontrer. À faire tout simplement que vous nous disiez ce que vous avez fait sur un certain Fotus. On a bien compris que vous savez des choses mais que officiellement vous ne savez rien, mais je suppose qu'officieusement vous en savez bien plus. Eh bien, vous avez bien compris que je ne savais rien, par conséquence je ne comprends pas votre... Si vous avez tant envie de savoir ce qui reste secret, contactez directement les gens qui gardent ce secret. Je ne comprends pas en fait ce que je peux vous apporter. Si vous le savez, pourquoi aller contacter d'autres gens? Il est costaud, non, de souvenir, Clint? Oui. Je regarde Kornilov dans le sens, est-ce que tu as envie d'essayer, puisque... Ça me fait chier, ça. Kornilov. Je vais simplement souffler un peu, histoire d'attirer son attention sur ma personne, en montrant bien que cette situation m'énerve profondément. Et je vais tout simplement lui dire ce dont on vous parle, monsieur Clint. C'est pas de vous mettre à la gêne quoi que ce soit, nous parlons de votre capacité à vivre un jour de plus, monsieur. Vos dettes que vous avez un peu partout ne sont pas avec les plus fréquentables des guides, vous le savez très certainement, et sinon vous n'auriez pas fui au plus bas de la ville pour ensuite remonter au plus haut. Si l'information d'où vous trouvez, de comment vous trouvez, tout ce que vous faites... devait arriver à l'oreille de ces dites guildes, je ne pense pas que vous dureriez très longtemps. Bien sûr, nous parlons ici officieusement, et ce qui est officieusement n'a pas besoin d'être connu de personnes comme nos supérieurs ou quoi que ce soit. Donc, les secrets officiels ici n'ont plus de place, je pense, entre nous. Ok. Tu viens de rentrer dans un certain mode opératoire. Alors, je modifie toujours un peu le système parce que je trouve que le roleplay est toujours plus important que les dés, mais du coup, on va faire la première, entre guillemets, joute verbale. C'est en gros quand c'est un truc social qui est en jeu. La vraie joute verbale, du coup, de cette campagne. C'est vrai que je remarque qu'on fait vraiment beaucoup de jets. Du coup, je vais demander de lancer 4d6. Ne me donne pas tout de suite les résultats parce que il faut pas que je sache à l'avance, tout simplement pour rester neutre dans les résultats de Pink. C'est juste 4D ou c'est un rapport avec une compétence Oui, c'est 4D. Et oui, et du coup, c'est avec. J'ai oublié les compétences et je n'ai pas sorti les fiches. Il y a Arguti, Arguti. C'est Arguti, non? Ouais, c'est Arguti, ouais, c'est Arguti. Ouais. Faut que je choisisse des offensifs et des défensifs, c'est ça? C'est ça. Alors, du coup, c'est l'accomplissement et la préservation. Et en accomplissement, en gros, ça va être tout ce que tu vas utiliser vraiment pour les amorcer, donc le ton de la voix, parler pile au bon moment, etc. Alors, encore une fois, je fais un mix entre le résultat de jet de dés et le roleplay. Hein, c'est-à-dire que même s'il y a des trucs qui ratent, mais que le roleplay est bon, moi, de mon côté, vous focalisez pas là-dessus. Je fais un truc, mais voilà, l'aplomb que tu mets, etc. Et la préservation, ça va être réfuter un peu tout ce qu'on va pouvoir te contredire et donc du coup réutiliser contre toi, etc. Voilà. Donc c'est éviter de montrer tes failles dans ton argumentaire, tu vois. Montrer si à un moment tu cherches trop tes mots, ce genre de choses. Voilà. Alors en accomplissement, ça fait 14. Mmh. Et en défensif, j'ai oublié le terme. Préservation. Ça fait 12. Préservation 12. Ah, Kornilov, il est vénère. Hein. Ouais, Kornilov, il est vénère. Eh bien. S'il faut, je sors mon flingue pour rajouter. Oula. tu, du coup, ouais, ton dialogue reste exactement le même qui est parti. C'est Kornilov. Ça doit être Kornilov. Du coup. Effectivement, ton discours est le même, etc. Et t'as effectivement une bonne approche, quand même pas mal offensive hein, dans le truc. Donc voilà, tu lui as sorti tout l'argumentaire, mais tu l'as fait en plus avec une voix vraiment, vraiment très sûre de toi, aucune hésitation. Enfin voilà, vraiment une version encore plus, tu vois, bien parfaite déjà du discours que tu m'as fait. Hein. Et tu vois que lui, ça le met un peu mal. Hein. Et il se met à transpirer, etc. Et tu vois vraiment qu'il est pas très bien et tu vois il essaie de c'est une menace, tu vois, avec ce ton d'hésitation, etc. Du coup toi directement tu réappuies sur la plaie, tu recommences à sortir. Un argumentaire, tu vois, genre il essayait de tourner ça en mode oui, bon, c'est une menace, en mode c'est lui qui domine. Sauf que voilà, il y avait vraiment rien qui le rendait vraiment très impressionnant. Et tu vois que plus tu continues, plus il devient vraiment pâle de figure et il commence à céder. Je te laisserai bien entendu resurenchérir si tu as besoin derrière. Et faire. Écoutez, je comprends bien que j'ai eu des soucis. Avant, aujourd'hui, je pense que je sais m'en sortir, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous attendez de moi que je parle ce dont moi je n'ai pas à vous parler. Je suis prêt à vous aider n'importe comment. Sans même évoquer mon passé, si vous avez besoin de quelque chose, bien sûr que je vous aide. Je suis pas contre vous, j'ai rien contre vous, mais ce que vous demandez, c'est Je trahis un serment, si je vous en parle. Écoutez, je pense que si on insiste autant, et je me permets de le dire, c'est que il en va probablement de la vie de quelqu'un. et que si par vos informations, de votre vie déjà, si vous ne parlez pas, vous avez écouté mon camarade, mais de la vie de quelqu'un, et c'est une enquête qui nous est qui est très importante, et de nombreuses personnes attendent de nous des résultats. Il en va aussi de notre intérêt à nous, de notre vie personnelle. Donc, nous sommes assez impliqués, assez pour être un peu menaçants envers vous. Donc, l'intérêt, c'est... Je conçois, mais qui ça va profiter si je vous en parle ? En plus, je ne sais rien d'intéressant, mais quand bien même, si je vous en parle, à qui ça profite ? Bah, à profiter à la personne qui peut-être survivra. Qui est-ce ? Comprenez que je ne peux pas jouer ma survie dans cette ville pour tout simplement Antonioni qui traîne dans les basses guildes. Vous comprenez ? Non mais écoutez, j'ai besoin de... écoutez, c'est simple, il n'y a pas à chercher... c'est soit vous nous parlez maintenant, ça reste entre nous et ça restera entre nous jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ce que vous allez nous dire là, on ne dira jamais que ça venait de vous. Donc en soi, votre serment, il sera toujours sous serment, puisqu'on s'arrangera pour que vous ne fassiez rien du tout, enfin, que personne ne sache. Mais nous, ça va peut-être nous permettre de sauver la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qui. Mais sachez que cette personne peut être une personne très importante pour la ville de Venise. On ne peut pas vous en dire plus. Mais que si vous parlez aujourd'hui, si vous nous dites cette chose, peut-être que ça va nous permettre d'avancer dans cette enquête. Et sachez que vous ne serez jamais cité. Donc, nos supérieurs ne sauront jamais que vous nous avez donné des informations que vous n'êtes pas censé nous donner. Ce sera vous et nous, c'est tout. Jamais. Jamais. Vous ne mentionnez pas dans vos... Ah non. Nous, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de sauver une personne. Un seul de vos supérieurs est au courant que j'ai parlé, mes problèmes n'ont rien à voir avec ce qui m'attend déjà de mon passé. Écoute, je regarde mes camarades. Je regarde Hugo. On est d'accord ? Nous sommes d'accord. Kornilov ? Ouais, on n'a aucune utilité à faire chanter pour un gars du concern des photographes. Vous voyez ? Si un jour ça se retourne, on pourra dire que j'ai vraiment le don de faire les mauvais choix. Écoutez. Ce que je sais n'est pas très important. Je comprends même pas pourquoi vous insistez à ce point. Oui, je connais de nom votre Photius. Je l'ai jamais rencontré, mais... comme tous ceux qui ont un peu traîné dans les parages à ce moment-là, je connais l'histoire plus ou moins de ce qui s'est passé. Et comme tous ceux, j'ai fait le serment de m'y tenir à la version officielle. La version officielle, c'est qu'il a décidé de partir... pour s'épanouir dans la basse ville, vous connaissez, je suppose. La vérité. Et encore une fois, moi, je traînais que par là, j'ai pas tous les éléments, mais... Photius était en froid avec le ministère de la propagande. Apparemment, il savait des trucs qui leur plaisaient pas du tout. Et... disons que... pour m'y connaître un peu, quand tu sais quelque chose que le ministère ne veut pas que tu saches, soit tu la fermes et tu finis bien positionné, soit tu refuses de la fermer et il te coule. Certains ont le courage de ne pas vouloir la fermer. C'était le cas de Photius à cette époque-là. Et... ça a pris beaucoup d'ampleur, des mois de froid. L'autre directeur là, du théâtre, il a failli se faire virer pour ça. Il a fini pendant quelque temps directeur d'un théâtre nul au milieu de la ville. Et il a dû faire des pieds et des mains pour pouvoir récupérer son poste au Grand Théâtre. C'est... Fautus est en train d'amener tout le monde avec lui. Et voilà, c'est tout. Fautus savait quelque chose. Quoi, j'en sais rien, je vous l'ai dit. Moi, j'ai juste traîné là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais j'ai pas les détails. Il avait quelque chose qui faisait en sorte que le ministère de la Propagande ne l'avait pas dans l'œil. Hein. Et ils ont fait pression sur lui jusqu'à ce qu'il craque. Et vu que Vacher a récupéré son poste et forte chance qu'il a fini par accepter le deal, hein, beaucoup moins accueillant maintenant du ministère. Sûrement. Ça, c'est mon avis. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Ok. Mais si vous avez l'occasion de parler à l'autre, là, Vacher, il était beaucoup plus concerné que moi. Si vous arrivez à le faire parler. Bien, merci. Kornilov, Hugo... Je ne comprends toujours pas à quoi ça va vous aider, mais... Vous avez d'autres questions ? Au revoir. Je m'en vais. Kornilov ? Non, je ne pense pas avoir spécialement d'autres questions. Ok, eh bien, sur ce, on vous remercie d'avoir bien voulu nous révéler cela et sachez que, comme nous l'avons dit juste avant, ça restera entre nous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en terrain miné. Vous savez... Avec l'affaire sur laquelle nous bossons, ça fait longtemps que nous sommes sur un terrain miné. Alors, une mine de puce ou de moins, vous savez, c'est pas bien grave. Bon, et ben, bon festival. Merci. Au revoir, monsieur Clint. Au revoir. Vous partez de là. Quel est votre prochain objectif ? Est-ce que vous comptez vous arrêter un instant, discuter à l'extérieur, rentrer au QG ? Dites-moi tout. Je pense qu'il faut qu'on discute. Eh bien, je vous laisse discuter. Tu veux qu'on discute où ? Au QG ou devant la porte de... Non, pas dans la rue du tout. D'ailleurs, chère conteuse, j'observe aux alentours, voir s'il n'y a pas des gens qui ont une attention un peu trop portée vers nous. C'est une excellente question. Et il n'y a qu'un élément qui peut vraiment te choquer. C'est qu'effectivement, alors que vous sortez de là, il y a visiblement des métropolites qui sont à l'extérieur du concern de la photographie. Et tu les as clairement chopés qui vous suivaient du regard. Ils ne vous suivaient pas littéralement, mais en tout cas, ils vous ont suivi du regard... Alors, est-ce que c'est parce que c'était des collègues ou quoi ? Mais ouais, t'as remarqué ces métropolites là qui te... D'accord. Alors, je ne les indique pas à mes compagnons, parce que sinon je me ferais sûrement remarquer par ces 10 métropolites là. Mais je dis tout simplement à voix plus ou moins basse à mes compagnons, on se tait et on va au QG. Ok. Est-ce que vous allez juste au QG ou est-ce que vous avez vous avez une action particulière pendant le déplacement, un petit détour, un truc comme ça? J'aimerais bien faire un petit détour, quelque part. Mais c'est ce que c'est ce que j'avais proposé. Je propose qu'on se perde un peu et quitte pourquoi pas à nous séparer pour nous retrouver. Ce serait un choix judicieux. Qu'en pensez-vous? C'est pas bête. Très bien, faisons semblant de nous dire au revoir et partons tous dans une direction opposée. Partez tous dans une position opposée. Est-ce que vous... Dites-moi, est-ce que vous êtes particulièrement vigilant ou une fois que vous êtes séparés, vous considérez que c'est bon, vous pouvez, en faisant un détour, accéder au QG sans trop vous retourner tous les 5 mètres non plus. Dites-moi un peu comment vous êtes sur le trajet. Moi, je reste particulièrement vigilant. Moi aussi. Oui, pareil, j'essaye de guetter du regard derrière moi, de voir si quelqu'un me suit, ce genre de choses. Eh bien, alors que vous êtes en train de faire ça, je vais profiter pour faire un zoom pendant que je jette mes dés de mon côté. Et demander à Kornilov ses sentiments, ses émotions, comment se sent-il, etc. etc. À l'heure actuelle. Inquiet. Pas simplement inquiet d'une situation stressante ou quoi que ce soit. Mais inquiet où vraiment on peut sentir son cœur qui bat plus vite qu'habituellement. Quoi. Mon esprit travaille sur des possibilités avec lesquelles je vais parler avec mes collègues une fois qu'on se retrouvera, qui ne plaisent pas à Monsieur Cornille. Et dis-moi. Ton esprit qui travaille bon, ma question, c'est un peu bizarre parce que c'est la première fois que je l'évoque comme ça, mais vraiment là, ton inquiétude, c'est vraiment quelque chose de purement émotionnel ou t'as vraiment un travail de la raison qui t'amène à l'inquiétude? C'est compliqué de répondre, je crois. Je suis pas sûr d'avoir vraiment saisi. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est quelque chose que je commence à amener parce que ça sera un peu plus important dans la deuxième geste. Commencer à différencier quand votre raison prend le dessus et quand votre émotion prend le dessus. C'est juste pour savoir si... bon, là, vu la description, moi, je dirais plutôt raison, mais... savoir si c'est vraiment, par exemple, tu vois, ton esprit logique qui fait des calculs, etc., tu vois, en mode ok, il se passe ça, j'ai une raison d'être inquiet, ou est-ce que c'est vraiment tes émotions en mode voilà, j'ai ressenti telle chose, et du coup, je suis inquiet. On va le formuler comme ça pour le début. C'est normal, t'inquiète pas d'être perdu, c'est parce que c'est la première fois que j'emmène ça, et ça ira petit à petit. Je pense que c'est plus en effet du côté de la raison. Il y a des implications. Logique, donc, qui m'inquiète dans ce que je pense avoir, enfin, ce que nous, je pense que nous ayons découvert. Ok. Eh bien, lors de ton trajet, tu es inquiet, mais en même temps, je vais un peu contredire, mais c'est pas une vraie contradiction. Hein. Tes émotions sont les bonnes, t'inquiète pas. Mais en même temps, un peu rassuré parce que tu n'es pas suivi. En étant très vigilant à ça. Personne ne te suit, tu as croisé d'autres métropolites, mais avec une ambiance tout à fait différente, c'est-à-dire que tu as juste senti que c'était un croisement inopiné de deux métropolites qui se déplaçaient sans qu'il y ait vraiment de lien, ils n'ont même pas vraiment fait gaffe à toi. Voilà, ça va. Du côté de Victor, petit zoom, émotion, ressenti intérieur, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il ressent? Dis-moi tout, Victor. De mon côté, on va dire que c'est plutôt, comment dirais-je, embrouillé. On met vraiment le doigt sur un vrai, comment ça, c'est un panier de crabes en fait. Attends, on est vraiment en plein milieu, on est balancé dedans, il y a tout qui se mélange entre il procedimento, le ministère, Cagno, maintenant Fotus qui avait des informations qu'on a essayé de faire taire. Donc, enfin, je me rends compte que vraiment, on est dans une sale affaire et que il procedimento, c'est un problème. Mais qu'il y a bien pire encore. Et je pense que même le ministère et Cagno sont peut-être plus dangereux que il procedimento lui-même. Et du coup, ouais, je suis pas bien. Je sais pas où donner de la tête. Et du coup, je me raccroche à l'affaire en cours, essayer de sauver cette victime. Et une fois que ce sera fait, peut-être que on aura des réponses. Si on arrive à sauver cette personne, ça va peut-être délier quelque chose ou nous amener sur des pistes ou enfin je sais pas, enfin un truc comme ça. Ok. Eh bien, je vais passer à Hugo. Je vais te demander ton fort intérieur, la même question qu'à tes deux comparses. Eh bien, Hugo est sur son chemin. Il est énervé en fait parce que il a un peu la pression au final que on lui demande d'un côté de résoudre cette enquête et de l'autre de pas la résoudre. Que comment dire, cette enquête c'est un qu'on l'a envoyé au suicide lui et ses collègues, concrètement une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leur tête et qui sont là pour échouer en fait. Donc il est un peu frustré, comment dire, énervé, que... Enfin, c'est ses propres déductions, bien sûr, mais... Que ce qu'il imagine être comme quoi, enfin, à ce qu'on l'a condamné, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien... Après cette petite séquence d'émotions internes, nous allons passer au fait que Victor, tu as remarqué que tu as commencé à être suivi lorsque le groupe s'est séparé par un métropolite. Mais il ne t'a pas suivi jusqu'au bout, il t'a juste observé un peu de loin et suivi une ou deux rues, mais tu vois que c'était pas une filature complète, tu vois, c'est un peu comme si vous avez soulevé leur curiosité sans être totalement comme mission de vous filer sans vous lâcher. Est-ce que tu sens que tu n'as pas eu besoin de faire d'efforts particuliers pour lui échapper, il s'est juste arrêté au bout d'une ou deux rues. Quoi qu'il en soit, vous arrivez au QG. Vous rentrez dedans, vous tapez le code. Il n'y a personne qui vous attend, ni Esther, ni Sophia. Esther, d'ailleurs, pour l'information, a pris une... Exceptionnellement, malgré la situation avec votre autorisation, a pris une journée de repos que vous lui avez accordée, parce que vous avez bien senti que le départ de Sophia... Là, un peu plus atteint qu'à vous, ce qui semble logique, puisque c'était elle qui était en relation avec. Donc voilà, elle a eu besoin de souffler un peu, et comme en plus, les dernières nuits, elle a passé à faire des nuits blanches à des choses étranges, la fatigue plus les émotions ont pris un peu trop le dessus sur elle, et vous avez préféré la renvoyer chez elle pour le jour qui est en train de se découler. Bref, vous rentrez au QG, vous allez pouvoir discuter entre vous. Putain d'affaires. Franchement, plus ça va et plus je me dis que Venise et tout ça, toute cette merde, je sais pas à quoi on sert vraiment. Est-ce qu'on est vraiment là pour rendre la justice ou pour servir les intérêts des plus grands, des plus gros? Ça commence à vraiment me casser les couilles. Putain. Je ne sais pas si on a compris, si on a tous compris la même chose, mais je ne peux pas m'empêcher de faire la connexion entre le fait que Fautus était gênant et le fait que Fautus soit mort. C'est sûr, c'est la première chose à laquelle on pense, et quand on voit que tous ces dossiers ont disparu, parce que c'est clairement ça. Il y a plein de choses qui ont disparu. Et que ça cache quelque chose. Alors, est-ce que la mort de Fautus, sans forcément aller jusqu'à dire que c'est le ministère qui l'a fait disparaître, peut-être que la mort de Photius a mis le doigt, enfin, aurait pu permettre de mettre le doigt sur des actions encore plus compromettantes pour le ministère et peut-être pour Cagno. Parce que si Cagno nous demande de mettre le doigt, enfin la main sur Il Procedimento, c'est peut-être que Il Procedimento, de par peut-être ses meurtres, ou je sais pas, veut mettre en avant peut-être des choses que le ministère veut pas que les gens sachent. Sinon, il nous enverrait pas comme ça pour le trouver. C'est sûr que là, il doit savoir des choses. Ça peut être compris ainsi, ou ça peut être compris dans le sens où nous sommes simplement une excuse. Dans le sens où, j'espère bien que ce n'est pas le cas, mais dans le sens où, si quelqu'un a fait tuer Photius, ce serait son avantage de le faire passer pour un meurtre dès le procédément aurait été d'être actif depuis longtemps. Et ça pourrait. Et nous serons simplement là pour dire qu'ils ont mené l'enquête, mais Cagno lui-même nous a bien donné une date, une limite à laquelle, si nous la terminons, si nous n'y arrivons pas, nous sommes finis. Je pense que c'est prévu. C'est prévu que nous rations. Oui, mais à la limite. Personnellement, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez tous les deux raison. Tout est possible. Nous savons rien. Peut-être que Il Prodissimento, pardonnez-moi cette théorie, mais est un métropolite et qu'il travaille pour le ministère. Je n'en sais rien. Qu'il s'occupe de débarrasser des éléments encombrants. Peut-être qu'il est devenu hors de contrôle, qu'on ne peut plus lui mettre la main dessus. Peut-être que c'est prévu, et comme vous dites que Il Prodissimento réussisse et que nous échouions, nous sommes peut-être juste ici pour faire assumer encore un échec au ministère de la propagande et fermer une bonne fois pour toutes tout ce dossier. Ouais, mais ce que je me dis, c'est que si vraiment Il Prodissimento est un outil du ministère, qu'il est là pour tuer, débarrasser des gêneurs. Quel est l'intérêt de mettre une pression ou de menacer des métropolites alors que on sait très bien que depuis le début, c'est quelqu'un d'insaisissable, d'intouchable et de juste, bien, sans forcément menacer des agents, dire que à chaque fois qu'on enquête sur lui, on n'y arrive jamais, et laisser courir le truc. Enfin, pourquoi nous menacer ? Genre, si on ne le trouve pas, on ne le trouve pas, et puis voilà. Mais pourquoi aller jusqu'à nous menacer et de la manière dont il fait, c'est vraiment que ça lui tient tellement à cœur de le trouver. C'est une haine viscérale qu'il a envers ce Il Procedimento. Donc, soit c'est une haine parce qu'il en a peur, et auquel cas, il veut tellement le trouver qu'il est prêt à tuer des gens pour trouver des gens capables de le tuer. D'ailleurs, il nous a balancé sur cette affaire alors qu'on vient à peine de devenir métropolite. C'est pas logique. Enfin, nos examens ont été très concluants tout de même. Oui, non, mais tu l'as bien entendu. Notre patron, enfin notre chef, enfin on a surpris la discussion. Tu étais là, a bien dit qu'on n'était pas prêt pour faire ce genre d'enquête. C'est bien trop compliqué. Les gens plus expérimentés se sont cassés les dents. Alors nous, c'était pas prévu. J'ai une possible idée pour être sûr de quelle interprétation on devrait en faire, mais elle est à la fois très risquée et je ne suis pas non plus très sûr qu'elle nous aide dans notre enquête. Elle dit toujours. Je pense qu'on devrait au moins essayer de parler à nouveau à notre bourreau de supérieur, Monsieur Landini. Et sans nous mettre en danger en avouant ce que nous sachons, d'essayer de savoir de quel côté cette enquête il se trouve véritablement. Quoi, tu veux lui parler de Fotus et de son implication avec le ministère? Je ne dirais pas aussi frontalement que ça nécessiterait de nous tirer une balle dans la tête une fois qu'on aura quitté la pièce, mais oui. Bah, c'est ça. Je veux dire, si on l'a fait taire, c'est pas quelque chose que nous, on doit creuser. Je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de parler du sujet lui-même plus que de dire que nous savons qu'il y a un secret qu'on ne doit pas savoir et que si nous voulons naviguer autour, nous allons avoir besoin de son aide. Alors, est-ce que... Ce serait au final nous mettre à son service, de son point de vue en tout cas. Écoute, je te propose autre chose. Si d'abord, on en parlait, avant d'aller partir sur Cagno, si on en parlait soit à Elig, ou alors à... Attends, je me rappelle jamais son nom. Asso. Voilà. Je pense que on s'est bien rendu compte que lui aussi savait des choses, mais qu'il était pas forcément serein d'en parler avec nous. Si demain, enfin si aujourd'hui on lui dit que nous avons appris qu'il y a quelque chose, une affaire louche, et que j'ai bien compris qu'il était normalement de notre côté. Il y a peut-être moyen de... Alors, si c'est le cas, il faut absolument les rencontrer en dehors du ministère. Ouais, je pense qu'on a... En vrai, il faut à un moment donné qu'on fasse confiance à quelqu'un. Et si on doit faire confiance, je pense que naturellement, ça doit être du côté d'Aelig ou d'Alceo. En effet. Je suis d'accord avec ça. Pouvions peut-être organiser une rencontre sur une traverse. C'est peut-être quelque chose où nous serions sûrs de ne pas pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne parle pas non plus de remonter jusqu'en Pontapoli, mais... Je pense que s'éloigner de la ville serait assez compliqué. Ça demanderait de présenter nos papiers, ça demanderait... Enfin, de nos plaques, de présenter nos plaques. Et ça laisserait une trace. Je pense que Aelig nous a déjà accompagnés à la taverne du Hurleur. Je pense que ce serait possible s'y rencontrer. Bien sûr, je pense aussi. Dans un endroit où on peut faire confiance. Dans l'arrière-salle même, ce serait possible. Voilà, ou loin des oreilles indiscrètes. Mais tu voudrais rencontrer Kaelig ou les deux? Faire se déplacer les deux serait peut-être visible. Ça dépend d'à quel point on veut être discret, je dirais. Bah après, si on leur donne tous les deux rendez-vous là-bas à une certaine heure, tu penses vraiment qu'ils vont faire suivre tous les agents comme ça, tout bout de champ? Ouais, je pense que c'est jouable de les avoir tous les deux, si tu penses que c'est jouable. Je pense aussi. Je pense pas qu'Alceo et Aelig se fassent suivre en permanence. Et puis, si chacun y va tout seul dans son coin, aller boire un verre dans une taverne, ouais. C'est pas... Il n'y a rien de méchant à ça. Mais écoute, on essaye ça de... Il est quelle heure là exactement? Il se fait quelle heure à peu près? Avec tout ce que vous avez fait, je dirais début d'après-midi. Vous avez passé la matinée pour le reste. On peut leur dire ce soir, genre assez tard, histoire que bon, ce soit plutôt calme et genre 22h ou un truc du genre, tu vois. Ouais. On leur fait parvenir des messages chacun d'eux et voilà. Alors, si vous voulez être discret, la meilleure méthode, c'est d'user de prostituées. On va leur faire jouer au même jeu que qu'ils nous ont fait jouer. L'église nous fait jouer. Allez, on ramène une pute au ministère. En vrai, c'est une remarque intéressante. Ça me permet de parler un peu de la prostitution, de la sexualité dans le monde des crimes. Notamment du rapport qu'on a, parce qu'on est quand même dans, bon, voilà, on est dans une certaine société, etc. Et il faut comprendre que nous sommes dans des rapports différents. Et notamment, alors, je me suis un peu éloigné de ce qui existe quand même dans le livre de base. Voilà, je le dis, c'est ma touche à moi. Une approche beaucoup plus 15e, 16e siècle, en fait, de la prostitution, dans laquelle elle n'est pas bien vue. Ça ne change pas par rapport à ce que je dis. Voilà, c'est dans les quartiers plutôt pauvres, etc. Même en haute ville, tu ne te trimbales pas avec ta prostituée sous le bras à rencontrer un grand mécène. Oh, salut voilà. Malgré tout, ce n'est pas comme nous dans notre société, ce n'est pas quelque chose qui est clandestin, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assumé, c'est que c'était comme ça le rapport à la prostitution à l'époque, c'est-à-dire que, d'ailleurs pour donner des indications, parce que j'ai même fait un travail là-dessus, mais par exemple à l'époque, on parlait déjà de prostitution à des enfants de 8 ans, leur disant voilà, si jamais, voilà, faut pas y aller, mais voilà, on cachait pas ça, on n'était pas en mode non, ça n'existe pas, c'est un truc que t'apprendras plus tard dans le darknet ce que c'est la prostitution. Voilà, du coup, il y a un rapport comme ça où du coup, c'est pour ça en fait qu'elles sont aussi fortes, c'est parce que elles ont une vraie place publique, un peu comme les sociétés moyenâgeuses, où voilà, malgré le fait qu'elles soient quand même un peu blâmées pour ce qu'elles sont, elles ont quand même une place publique qui est assumée, et c'est une véritable force qu'on peut user, au même titre que les guides en fait. C'est comme ça que fonctionnent aussi les guides dans les crimes. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on réprimande, etc. Mais c'est une force publique quand même, elle est là. Et une guide peut devenir plus importante qu'un concerne ou qu'une loge dans certains rapports sociaux. Voilà, c'était juste pour donner cette petite indication de la prostitution, qui est du coup voilà, quand même une approche un peu plus un peu moins honteuse qu'aujourd'hui, avec des trucs très clandestins, de quelque chose de très privé qu'il ne faudrait absolument pas du tout évoquer. Voilà, c'est quand même un peu plus assumé. Il en reste que c'est quand même quelque chose, voilà, qui est blâmé, etc. Voilà, encore une fois, tu ne travailles pas avec ta prostituée partout dans le ministère, etc. Alors, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais ça me permettait de cadrer comme ça un peu plus l'univers. Hein, et vous savez que j'adore faire des petites cellules d'univers. Du coup, vous allez pouvoir passer par des prostituées pour faire passer des messages. Alors, généralement, voilà, les prostituées, de toute façon, savent faire, elles savent comment trouver quelqu'un, elles savent comment le trouver sans que... ils vont pas débarquer au milieu du ministère de la propagande et faire « Salut, on cherche telle personne !» Voilà, c'est leur métier, elles savent faire. Cependant, votre rendez-vous n'aura pas lieu le soir même et le lendemain, en fait, plus simplement parce que c'est plus simple à gérer comme ça. Il y a des temps morts, ce genre de choses. Des fois, on est un peu obligé d'attendre. Et donc, ça passera le lendemain soir, donc le 27 de la deuxième lune, vers 1731. Normal. Du coup, je vous propose, si vous avez bien compris, qu'on navigue entre journée d'enquête intensive et journée de... ellipsée dans lequel vos personnages galèrent un peu plus, voilà, de faire un résumé rapide de cette journée-là, du coup, vous avez passé. Du coup, je vais vous demander, est-ce que vous avez des intentions particulières que je vais pouvoir résoudre, etc. Ou est-ce que vous me laissez gérer ce côté-là? Ça dépend si vous avez des idées, pas d'idées, de ce que vous pourrez faire, du coup, durant cette soirée, plus la journée à attendre. Voilà, si vous avez envie de voir quelqu'un, etc., dites-le-moi, je vous écoute. Eh bien, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller, dans ce temps mort, en tout cas, d'essayer d'aller d'aller en avance, genre le soir même, donc du 26, ouais, à la dite taverne, et d'essayer de voir si je peux pas m'arranger pour avoir l'arrière-salle à moi tout seul le lendemain soir, enfin moi tout seul, à moi et mes invités. Tout à fait. Après, tu sais que l'arrière-salle, c'est quand même un stand de tir. Hein. Oui, en effet, mais j'aimerais pouvoir le réserver. Non mais c'est disons que tu sois sûr dans quel cadre tu veux amener les gens, tu vois, que tu t'attends pas à une petite salle comiteuse, et quand je commence à te décrire une salle de tir, tu fais ah merde, j'ai emmené LCO là. Non, ok. Tu négocies, et par chance, d'ailleurs je te fais même pas de jet pour ça, parce que pour le coup tu remarques vraiment que l'apport visiblement de Rolando a l'air très bénéfique, et quand tu lui demandes, tu dis oh t'inquiète, de toute façon avec ce que tu viens de nous donner, on sous-entend même qu'à la limite les services que tu leur devais par Rolando viennent d'être dus, tu vois. Bon, ce qui t'étonne peut-être en tant que Kornilov, hein, je te laisse. Ouais, en effet. Je me demande si. Mais en tout cas, à chaque fois, tu vois, dans les conversations, on t'en parle pas directement, mais c'est toujours, tu vois, des petits sous-entendus comme ça où t'as l'impression vraiment Rolando, tu sais, il vient de devenir le chef, hein, entre guillemets, hein, pas le chef, il y dirige, mais en mode voilà, tu vois, il commence à peser quand même, parce que là, dans la taverne, en tout cas, tu n'en as eu que des beaux retours et que des phrases comme ça, mais non, mais oui, t'inquiète, de toute façon. Et donc, du coup, on te laisse réserver l'arrière-salle. On te demande juste de voilà pas y passer, par contre, toute la nuit. Parce que bon, ils ont quand même des clients, ce genre de choses. Évidemment. Ok. Avais-tu autre chose à faire, ou est-ce que je passe à quelqu'un d'autre? Pas spécialement. Je pense que je passe le reste de mon temps libre chez mon mari. Okay. Et à enquêter, etc. Comme dit, je fais une journée basique, résumée. Oui, évidemment. Victor, comme ça je fais mon triangle. Alors moi, tu as le droit de me dire que t'as rien de spécial. Hein. J'avoue là comme ça, j'aurais peut-être vite fait quand même passer voir mon oncle, voir comment ça va pour lui, voir si. Si jamais il n'y avait pas eu de trucs bizarres qui s'étaient passés dernièrement, depuis la bougie fondue du dernier soir. Quand tu vas voir ton oncle, encore une fois, je fais tout un peu rapidement. D'ailleurs, pour le coup, c'est volontaire. Pour une fois, c'est pas un oubli d'avoir la musique du QG. Je l'assume pour une fois. Voilà, pour le coup, quand tu vas aller le voir, tu vois qu'il est en très bonne santé, ouais, qu'il se porte super bien, etc. Et il a aucun problème pour le coup, pas d'autres anecdotes étranges. Ouais, tiens, il y a encore des garnements qui ont fait des bêtises. Honnêtement, tu vois, il a retrouvé sa petite vie tranquille. Par contre, il t'évoque le fait qu'il réfléchit. Peut-être organiser bientôt, alors quand il dit bientôt, hein, tu sais que le temps d'organiser ça, c'est peut-être d'ici une teinte, deux teintes, voire la fin de l'année, hein, un nouveau voyage, hein, parce que tu sais que voilà, il adore voyager, il adore aller sur la toile, etc. Et ça fait un petit moment là qu'il sédentarise à Venise, et voilà, il aimerait bien refaire un petit voyage. Donc là, il est en train de commencer à se renseigner sur ce qu'il peut faire, etc. Ok, d'accord. Du coup, vous pourrez en parler plus en détail, etc. Et, ouais. Bon, on discute un petit peu. Écoute, ça... C'est vrai que ce serait pas plus mal que, de mon côté, même si je lui en parle pas, qu'il mette un petit peu les voiles ailleurs, si tu veux, pour me dire peut-être qu'il sera un peu plus en sécurité s'il quitte Venise. Ça m'enlèverait déjà un poids à ce niveau-là. Mais écoute, je vais faire comme, enfin, je vais acquiescer en disant ouais, ce serait super, super, super chose à faire, que pourquoi pas. Et puis en plus, il y aurait des super histoires à me raconter après, donc cool. Ça lui fait chaud au cœur, ça qui et il partage avec toi, hein, ce goût de liberté que tu peux ressentir, Et d'ailleurs, hein, tu sais qu'à chaque fois qu'il part, là, il ne te l'a pas encore proposé, mais tu sais que ça va venir dans les prochaines soirées. À chaque fois qu'il part, il y a toujours un moment où il te dit, oh, mais tu es sûr, tu peux venir avec moi, etc. Et toi, tu as des obligations. Mais pourquoi pas, il y a toujours un jour où vous êtes promis un voyage. C'est vrai. C'est Quoi vrai, qu'il c'est en vrai. soit, je vais demander à Hugo s'il est encore parmi nous. Alors, qu'est-ce que je profite de faire pour mon après-midi, c'est ça? Oui, pour sachant que si tu dis rien, je considère que juste que tu enquêtes sur l'affaire normalement. Eh bah, étonnamment, allez, juste pour être sûr, je vais retourner au ministère de la Propagande et je vais leur demander tout ce qu'ils ont sur tous les noms qu'on a de tout. Même Ok. les métropolitains. Je veux savoir s'il y a des plaques sur Béatrix, sur les pianistes, tout, tout. Ok. Pas de soucis, je te laisserai ça. Je réfléchis à est-ce que j'aurais peut-être pas une petite ou deux plaques à te donner. Du coup, je ne te réponds pas et je te dirai ce que je voulais dire. Du coup, encore une fois, ce serait la façon que je te l'appelle parce que peut-être possible qu'il y a une plaque ou deux qui ont traîné et j'ai pas forcément tout écrit à l'avance parce que bon, je vais pas faire 20 heures de Photoshop pour des documents que vous demanderez jamais. Du coup, bah, je te donnerai ça sûrement à la fin de la session si il y a des éléments intéressants. Ok, quoi qu'il en soit, les journées passent, etc. Et vient cette fameuse soirée. Vous descendez tous les trois en basse ville. Vous rejoignez plus ou moins selon le moment que vous avez passé ensemble, soit un peu avant, soit voilà, au moment où vous arrivez devant l'hurleur. Et vous rentrez. Ce soir, il y a encore plein de monde, hein, c'est la deuxième fois. D'ailleurs, dans ce monde-là, il y a Rolando qui aide au bar notre amie Sofiane. Je ne m'attendrai pas dessus, sauf si Kornilov en a envie pour l'instant, mais vous retrouvez surtout A-League et Alceo. Les deux vous saluent, vous sentez que A-League, elle, est totalement détendue. Hein. De toute façon, vous l'aviez déjà appris avant de devenir métropolite, hein. Mais bon, c'est une ancienne pirate, etc. À la base, elle n'est pas vraiment faite pour les choses carrées, droites et silencieuses d'un bâtiment institutionnel du ministère. Par contre, voilà, à l'inverse, les trucs un peu basiques, etc., on est quand même un peu habitué à l'ambiance populaire, etc. De l'autre côté, Alceo, lui, par contre, est mal à l'aise. Hein. Vous savez que Alceo, malgré toute la compassion hein, et la gentillesse qu'il a amené vous, vous savez quand même que c'est un bon métropolite, qu'il aime l'ordre, les règles, voilà. Et donc, bon, il sait que. C'est un endroit qui n'est pas super moins fréquenté, mais il ne sait pas encore à quoi ressemble l'arrière-salle. Quoi qu'il en soit, je vous laisse faire les salutations si vous en avez envie, si vous voulez discuter un peu avant d'être en privé. Sinon, vous me le dites et on passe directement en privé. Moi, Alceo, iLeague, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça. Je trouve ça très étonnant quand même de nous mener ici. Mais bon, je suppose que si c'est ici et pas ailleurs, il y a une raison. Exactement, et vous le comprendrez bien assez tôt. Donc, je vais Bon, vous si c'est demander discuté. de bien vouloir nous suivre. Ça se passera par là. Vous dirigez du coup vers tout le fond de la salle. La salle qui est vraiment en longueur, hein, pas, enfin, qui est vraiment en largeur, pas en longueur, justement. Donc, le fond de la salle, c'est sur un des côtés. Et en fait, vous commencez à emprunter des escaliers qui descendent, etc. Et il y a un peu de marche, il y a beaucoup de couches de métal, de tissu, etc. Vous sentez quand même, pour les premiers qui descendent là, que c'est quand même une sacrée ambiance. Et vous sentez aussi que tout a été mis en place. Pour que ce soit une salle vraiment isolée en termes de bruit, ce qui est normal parce que s'il y aurait des couffes au milieu de la ville, hein, ça serait quand même un peu paniquant pour les gens qui sont voisins. Ça s'entend un peu, mais il n'y a pas de quoi créer la panique. Quoi qu'il en soit, du coup, vous rentrez dedans et après l'énorme porte de métal, hein, vous rentrez. vous rentrez du coup dans la salle de tir, donc une salle en longueur pour le coup qui a été construite, très isolée, beaucoup de couches de métal, etc. Quand vous parlez, ça s'entend quoi. Il y a vraiment un étouffement qui est fait pour que le son reste dans la salle. Et quelques armes disposées ici, là, deux, trois tables de métal placées avec certaines avec des armes et tout, et une personne qui est là pour surveiller. D'ailleurs, Cornilov, à ta demande, cette personne ne va pas rester, donc elle est en train de ranger les armes qui sont habituellement présentées, et elle se dirige tout simplement pour les ranger et vous laisse au bout de quelques secondes tranquillement dans la salle, et te dit tout simplement que tu auras juste à utiliser le... Et j'oublie toujours ce mot, le leurtoir, pour l'appeler et il viendra vous ouvrir. Okay. Il part, il ferme et vous retrouvez à 5 dans cette grande salle. Vous voyez qu'Eilig est souriante. Enfin, en plus, c'est pas la première fois qu'elle vient, donc elle prend ça un peu à l'amusement. Alceo est blanc. Alceo. On est désolé de t'emmener dans un tel endroit, mais les circonstances et ce que nous allons vous dire ce soir font que nous n'avions pas vraiment le choix. Du coup, je me tourne vers les autres, Kornilov, Hugo. Si quelqu'un veut commencer à expliquer les choses, vous pouvez y aller. Bon, je prends mon tour alors. bon, vous le saviez déjà et vous étiez obligé de vous taire jusqu'à présent, mais l'affaire sur laquelle on a été placé semble regorger d'informations et d'histoires auxquelles nous ne sommes pas censés avoir accès. À notre niveau, et vous savez aussi très bien que pour avancer sur celle-ci, nous allions forcément tomber sur certaines. Et nous avons en effet percé un jour au moins un de ces secrets. Eilig prend la parole, je vous écoute. Il semblerait que une des victimes de Il Procedimento ait eu quelques soucis avec notre ministère et que celui-ci a été assez expressément poussé à se taire car il détenait des informations peut-être compromettantes, nous ne savons pas lesquelles, mais que il a joué la forte tête et que notre ministère lui a fait comprendre d'une manière plus ou moins forte, pas forcément physique, mais fait petite descente aux enfers, on va dire. Et pour le coup, il est aujourd'hui une victime d'Il Procedimento. Beaucoup de dossiers, d'informations qui tournent autour de cette personne ont disparu. Ne nous permettant pas forcément de pouvoir accomplir notre devoir d'enquêteur de la meilleure des manières. Et on ne sait plus trop quoi penser, pour être honnête. Parce que si même le ministère de la propagande nous cache des choses, il cache des choses à la population de Venise, alors... préservons-nous, au final. Je rajouterai que cette remarque est purement personnelle et ne concerne pas l'entièreté du groupe. Non, c'est sûr. Mais il va sans dire que c'est quand même troublant. Il y a un petit silence et Ellie regarde Alceo. Et au bout de quelques longues secondes, il finit par prendre la parole. Photius, c'était un hérétique. Il partageait des idées contraires avec ce qu'on sait grâce au tuantisme. Et je ne suis pas personnellement affecté sur cette affaire, mais je sais qu'elle a commencé à s'ébruter. Parce que la plupart des personnes se taisent lorsque des métropolites viennent leur rappeler ce qui est juste, hein, je le rappelle, tout simplement de ne pas dire d'idiotie qui serait dangereuse pour la société. Hein. Là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord. Oui. Eh bien, il n'aurait pas accepté, le problème étant que Photius n'était pas n'importe qui, c'était une star vedette, il commence à être étoile montante, il commence à avoir des écrits sur lui, les gens dans les pubs, les cafés, commencent à avoir des histoires où il en était le héros. C'était un peu difficile de s'attaquer à lui. Je ne sais pas comment le ministère s'en est à user, je pense que vous savez mieux que nous, parce que malgré tout, encore une fois, je ne suis pas affecté, donc je n'ai que les oui-dire. Mais voilà, Photius, il avait des propos hérétiques, il avait des choses, il disait apparemment des choses qu'il ne faut pas, et ça a fini ainsi, mais ouais, il était forcé à descendre dans la basse ville, quelque chose comme ça. L'enfer sur Terre, vous en gérez quand même. On a quand même pas mal de concitoyens qui vivent visiblement très bien. Mais oui, c'est ça l'histoire avec Photius. Le ministère a fait en sorte qu'elle ne s'ébruite pas plus qu'elle s'ébruitait déjà en interne. Pour éviter, vous vous en doutez, bien des remous. Le ministère fait souvent ce genre de décisions. Vous l'avez vécu avec l'attentat que nous avons vécu en début de mois. Le ministère l'a minimisé pour peut-être créer la panique. Là, c'est la même situation. C'était une star vedette. On ne voulait pas qu'il y ait répercussion à ces actes. Donc, du coup, nous avons fait passer ça pour un choix héroïque d'aller à Basseville aider les enfants. C'est... En tout cas, c'est ce qu'on sait. Je peux comprendre tout à fait... Ce procédé, c'est tout à fait normal, c'est dans les procédures, mais de là à ne pas nous informer, étant nous sur l'enquête, dont peut-être cette information pourrait être utile à notre enquête pour essayer d'élucider, et nous cacher cela alors que nous sommes métropolites et avons quelque part prêté serment d'allégeance au ministère de la propagande et de suivre les règles, nous divulguer une information de cette importance aurait pu peut-être nous aider dans l'enquête et après nous cacher cela, je trouve ça un peu... Je suis bien d'accord, hein, nous, ma collègue et moi militons de manière assez active à ce que vous ayez des accès malgré vos faibles rangs plus hauts dans l'hiérarchie métropolite. Malheureusement, c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire entendre. Si nous pouvons en parler, parce que nous sommes visiblement bien isolés, quoi qu'il en soit, nous savons que oui, les éléments que vous avez sont souvent incomplets. Vous savez que le ministère de la propagande a toujours fonctionné ainsi. On ne peut pas permettre à n'importe qui vient travailler de notre part, de savoir tous les éléments qui sont pour l'instant mis en retrait pour éviter quelconque problème, panique, ce genre de choses. Donc, il y a une véritable hiérarchie dans les informations. Pour vous dire, ce que j'ai, moi, n'est que des oui-dire de couloir. Hein. Et si vous imaginez que mon grade m'empêche de savoir beaucoup plus d'informations par rapport à vous, c'est que il procedimento est visiblement vraiment une affaire qui concerne les hautes sphères des métropolites. Même moi, je n'ai pas plus d'informations, sinon je vous en aurais parlé plus idéalement. Alors pourquoi Cagno nous envoie littéralement sur une affaire, et avec le peu d'informations qu'on a, c'est comme nous envoyer, je sais pas, nettoyer les crimes avec une petite truelle. C'est Ailey qui répond, ils ont besoin de chair fraîche. Personne ne veut reprendre ce dossier au milieu du... Personne d'entre nous le veut. On sait tous les bruits qui a eu cours, on sait tous ce qui est arrivé à la famille de Pini, et personne ne le veut. Et quoi de mieux que des jeunes innocents qui viennent d'arriver, qui tombent sur cette enquête. Je ne pense pas que ce soit les bons choix, et je ne parle qu'en ma personne. Je sais bien que je ne suis pas la mieux placée dans le ministère, mais ils avaient besoin de chair fraîche qui se foncerait dans l'affaire sans pouvoir enfuir. J'ai essayé d'empêcher ça le plus possible, mais lorsque M. Landini a une idée, c'est un peu difficile de lui retirer. Je pourrais pas, je ne comprends pas tout ce qui entoure M. Landini. C'est un homme qui ne m'est guère amical, hein. Donc je n'ai pas eu beaucoup de discussions avec cet homme, mais ouais, vous avez juste été, vous avez été choisi, et on vous demande de prendre le collier de la misère et de faire un travail que d'autres métropolites ne veulent pas. Ouais, très bien. En mettant de côté les pourquoi, les comment et la remise en question de l'établissement ou je ne sais quoi, je me pose quelques questions qui, je pense, sont importantes, malheureusement. Ça sent... Nous savons qu'une nouvelle victime ne tardera pas à venir. Nous savons qu'a priori, ce secret avec Fotus fait partie de son, en tout cas du profil de Fotus. Et j'ai besoin de savoir, nous avons besoin de savoir, sans même nous dire de quel secret il s'agirait, si vous savez si les autres victimes avaient des secrets, elles aussi, des secrets qui auraient embêté le ministère. Sans avoir besoin de citer ces propres secrets-là. Moi, je ne suis pas au courant. T'as le CEO qui prend la parole. C'est des informations auxquelles je pourrais normalement accéder. Normalement. Ce soir, je n'ai pas de réponse particulière. Je ne connais pas par cœur votre affaire. C'est inquiétant si vous avez vraiment une piste qu'un prochain meurtre arrive prochainement. Je vous souhaite de tout cœur que ce soit pas le cas, mais je peux me renseigner de mon côté. On peut essayer de voir, à la limite, j'ai ce fameux contact dont je vous ai déjà parlé qui pourrait le faire pour moi. Nous trois, on aurait sûrement une chance de avoir une réponse à votre question. Je vous la garantis pas de l'avoir dans les heures à venir, mais je ferai de mon mieux. Ok. Très bien. Ça nous aiderait en effet énormément à peut-être empêcher une prochaine victime et plus tard de mettre fin à toute l'affaire. Sans trop en demander, j'espère. J'aimerais vous proposer quelques noms à vérifier aussi, disons, qui ne font pas partie des victimes. Sans que vous ayez besoin de révéler si secret il y a, de quoi il s'agit. La simple présence d'un secret nous aiderait. Nous avons... Laissez-moi vérifier mes notes mentales. Je fouille très profondément dans mon palais. Attends, non, c'est pas cette porte-là, c'est celle-là. Alors voilà les, voilà. Voilà les noms que je vais vous proposer que vous fassiez le corps en chef. Nous avons Auguste Vacher, Roland Bonnet, le baronnet Clint, qui est au concerne des photographes. Et pour terminer, Daniel Munoz. Oui, bah oui, on va enquêter sur ces noms-là. Pour l'instant, aucun me sonne. Enfin, certains me sont familiers. Monsieur Vacher est plutôt connu dans la vie de Venise, mais pas pour des affaires internes. Je ferai de mon mieux, j'espère. Y arriver rapidement, mais vous doutez bien que si je dois chercher des informations un peu plus que ce que me permet mon grade, ça prendra un peu plus de temps. Vous arriverez à faire avec. En effet. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? Moi non. Moi non. Dites-moi. Est-ce que vous n'auriez pas, par le plus grand des hasards, et je pose ça à tout le monde, trouvé sur le pas de votre porte une bougie fondue? Non. Et pareil pour Alig, pas du tout. Ok. Bien, ma foi, vous allez pouvoir... votre réunion secrète ici avec chacun des missions. Alceo finira juste par un petit commentaire sur le fait que il est quand même très étonné que vous ayez connaissance d'un lieu aussi illégal. Hein. Bon, qu'il faudrait quand même en reparler parce que une taverne qui a un stand de tir en ville, c'est pas très bon signe. Hein. C'est plus ou moins ce qui va sous-entendre le reste de votre soirée, et puis après vous allez vous laisser après les quelques... Oui ? Si je peux dire quelque chose pour une fois qu'ils sont partis. Parce ouais, que j'ai un peu quand même réfléchi au coup, et même avant qu'Alceo ne fasse ses commentaires. Et dès qu'il n'est plus là, j'aimerais bien aller voir Sofiane et Rolando. Déposer mes quelques liges sur le bar en termes de compensation et leur dire qu'il va falloir temporairement vider la pièce à l'arrière parce qu'il est possible qu'on ait été suivi ou que ce soit et que quelqu'un vienne vérifier. Sofiane râle, hein, mais c'est Sofiane. Mais il fait ok, on va s'en occuper. Bon, par contre, il est obligé d'en parler aux supérieurs, etc. Donc, Lex sera au courant. Évidemment. Mais, ok. Du coup, il te remercie quand même de ta prudence, mais il te remercie en Sofiane. Hein, donc, c'est-à-dire que... voilà, c'est mignon. Ouais, je... Ouais.